Bienvenue dans Ce soir c'est JDR, un podcast de jeux de rôle où des imprudents ont décidé de me confier leur sort pour quelques sessions aventureuses. Ce soir nous jouons à Kids on Bikes, où nos imprudents seront confrontés au drame de la vie adolescente et à quelques autres bizarreries. Je suis Baron Idolâtre, bienvenue à Wilsden. Vous pouvez plus dire trop de conneries. On peut dire coucou le stream déjà. Bonjour le stream. À part le stream qui est mort. Ah non, c'est pas le stream qui est mort, c'était le live, c'était quoi? Qui est mort, c'est pas... Ouais. Bonjour le stream. Alors. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Je dis ça parce que moi je suis pas prêt. Donc allez-y, meublé, j'arrive, je vais me faire un petit thé et je suis à vous tout de suite. Eh bien écoutez, on va redémarrer un peu la session 0 j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous voulez qu'on se remette en tête avant de commencer la partie ou pas? Moi je relis toutes les notes que j'ai prises sur la session 0. Histoire d'être sûr que j'ai pas oublié des trucs. Des gens qu'il y a autour de notre petite ville, parce que je crois que j'avais pas noté tout le monde. Donc peut-être que si on se les rappelle, ça pourrait être pas mal. Genre, je me souviens qu'on avait une communauté amiche, par exemple, on avait des scientifiques. Exactement, là où travaille d'ailleurs le père d'un de nos personnages, qui était du coup... Je ne sais plus du tout. Qui c'est qui a un père scientifique, hein? C'est pas toi, Vera? Non. Non, c'est le mien. Mais il n'est pas scientifique. Il est. Il est pharmacien. Analyste. Et oui, en fait, il est analyste. Il a le boulot de Hal, en fait, dans Malcolm. D'accord. Effectivement, il est expert comptable. Voilà. Enfin, est-ce que comptable dans le sens comptable actuel? Comme sur la chanson de TikTok, ou un vrai comptable? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ah, excusez-moi, maintenant c'est un terme galvaudé pour dire qu'il a une page OnlyFans. Je ne connaissais pas la périphrase. Il y a une chanson maintenant pour dire « Je suis un comptable et personne ne me pose des questions ». C'est juste ça. Soyez indulgent avec mamie quand même. Hein. J'allais dire que je me sentais vieux moi aussi. J'ai eu un doute. Je me disais quoi? Je suis pas au top ce soir, je pense que je vais arrêter les blagues. Hein. Non, ça y est, j'ai la ref, mais ça a mis longtemps. Je vais chercher dans mes souvenirs de TikTok. Je vais la traduire en français aussi. Non, c'est nous qui sommes trop lents pour ton humour de pointe. Trop vieux. Exactement. Ok, moi j'ai tout relu. Alors, êtes-vous prêt du coup? En tout cas, moi, maintenant, je suis prêt. Ouais. Là, c'est ok. Oui. Vous avez besoin d'un petit remember sur vos persos ou ça va du coup? Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je relisais juste les notes de la session 0 pour être sûr d'avoir tout en tête. Si tu as un générique, un petit peu 80 de sitcom, je veux bien. Malheureusement, non, je crois pas avoir ça. J'ai un peu de tout et n'importe quoi, mais j'ai évité les musiques trop connues années 80, sinon je vais avoir des soucis avec YouTube. J'en aurai quand même de toute façon, j'en suis sûr, mais j'ai essayé de limiter les frais. Attends, j'ai quoi ? Te sacrifiera pour nous. C'est ça. Ah, j'ai quand même trouvé une reprise au piano juste pour Tristian, bien entendu. C'était Tristian et Diana. Hein. A Dirty Dancing, ouais. Exactement. On a refait la Corée ensemble, Tristan. Et bien sûr. Et tu me portais, je me rappelle très bien. dans le plus grand des secrets. Dans le plus grand des secrets. Parce que tu voulais t'entraîner, je crois, sur cette danse. Ah. En tout cas, tu m'as surpris en train de faire mon petit écoutez, Patrick Swayze. Vous allez pouvoir en parler parce que on a Mathieu qui, dans le chat, lui, il veut bien remember. Bonsoir Mathieu, déjà. Bonsoir Mathieu, merci de suivre cette aventure. Merci. Donc, ouais, de toute façon, vous pouvez présenter rapidement vos personnages. Je vais commencer par l'ordre du rôle 20. Donc, Trevor Hawkins, présente-nous rapidement ton personnage. Eh bien, Trevor a 15 ans, puis il est prêt à affronter le monde en headbangant, puisqu'il est obsédé par le heavy metal et par Iron Maiden en particulier. Ça se traduit dans son quotidien par beaucoup de temps passé chez le disquaire de Willesden où il travaille de temps en temps et ça se traduit aussi par quelques compiles de musique de manière générale qu'il conçoit pour Ted. C'est un petit deal qu'ils ont entre eux de façon à ce que Ted puisse impressionner les personnes qu'il fréquente de par sa grande connaissance musicale. Et il est tout le temps accompagné de son furet appelé Eddie. Alors ensuite on a Ted, justement, c'est à toi Ted. Zan. Et grâce à Trevor, il reçoit plein de cassettes enregistrées avec plein de chansons pour impressionner ses différents crushs ou ses dates. Mais à côté de ça, Ted, c'est aussi, il fait partie des stars du lycée puisqu'il est le capitaine de l'équipe de foot, l'équipe des Wildcats, et ils sont très fièrement les champions de la région. Il est également le fils du maire de Willesden Town. Avec qui il a une très mauvaise relation puisque les parents sont en très très mauvais termes et il y a une sale ambiance à la maison, sauf que comme le maire veut garder un peu une image publique de famille parfaite, il fait jurer à tout le monde de faire comme si tout allait bien à l'extérieur alors que dans le privé tout va très très mal. À côté de ça, donc du coup Ted est assez Ah, je crois qu'on t'a perdu. Bon. Et souvent, parfois, ça lui arrive d'avoir des coups de stress ou une charge mentale telle qu'il est un petit peu soupolé. Mais sinon, ça reste un bon gars qui est relativement apprécié de tout le monde. Voilà. Et bien ensuite, c'est à toi, Babs. Alors Babs de son surnom, car elle s'appelle Rebecca, n'importe quoi, Barbara. Barbara. Ça commence bien. Ça commence bien, oui. Barbara, ben d'ailleurs, qui devait s'appeler Barbara, en hommage à Barbara Streisand, parce que sa mère Rebecca et sa grand-mère Magda sont des grandes fans de la diva. Donc, son papa est pharmacien, sa mère travaille aussi à la pharmacie, et lui s'appelle George, elle, donc Rebecca. Son papa est très heureux dans sa petite vie tranquille, c'est un homme assez enjoué, assez simple, qui réfléchit pas trop au lendemain, qui se laisse porter un petit côté bisounours. Et par contre, sa mère était secrètement amoureuse de son frère, le frère de George, Stanley, qui lui est médecin. Et elle a toujours rêvé secrètement d'épouser. Donc quelque part, Rebecca, la maman de Babs, est un petit peu frustrée. Donc c'est devenu la principale source de gossip de la ville. Elle adore les cancans, elle adore les rumeurs, elle collectionne les informations sur les gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un, malgré tout, de très sympathique. Ça ne se voit pas au premier abord. À la maison vivent également les grands-parents maternels, Phil et Magda, qui eux sont hyper enjoués, hyper festifs, ils participent à plein d'activités pour les seniors, ils animent des clubs, clubs de bingo, ils font des pokers le mardi soir, enfin voilà, ils vont, ils viennent entre leur maison à Boca Raton en Floride et la petite ville. Et donc c'est la grand-mère Magda de Babs qui lui a transmis, on va dire, ouais, le goût des énigmes. Et donc en fait, elle a monté grâce à l'aide de Tristan un club pour élucider des mystères et des énigmes, un groupe de lecteurs de livres policiers et qu'elle a créé donc au lycée. Jusqu'à cette année, on va dire, elle était secrètement amoureuse du populaire Christopher Brown, Chris, qui est dans l'équipe de foot avec Ted Connor. Mais elle a compris que c'était un rêve inaccessible. Et jusque-là, elle voulait être très, très, très populaire. Donc, elle était souvent dans le sillage de Diana Newmark. Elle essayait d'être populaire comme elle parce qu'elle l'adule et elle l'admire. Mais pour l'instant, voilà, elle se consacre plus à son club qu'à penser à Chris et elle essaye de se débarrasser en permanence de la présence de son petit frère, Elijah Montgomery, qui lui colle aux dents parce qu'il est, qu'il colle aux fesses. C'est une nature rebelle et facétieuse et elle en a vraiment marre. Il lui joue des tours pendables et c'est un petit peu compliqué. Elle, c'est une rêveuse, c'est une rigolote. Elle aime la vie, mais elle trouve pas bien sa place. Donc voilà, elle en est au stade où elle est entre l'envie d'être populaire et l'envie de devenir elle-même. Donc voilà, c'est un personnage en devenir. Ok, bah maintenant on va passer à Diana. Alors, Diana, c'est la petite cheerleader star de l'école, petite de 16 ans donc. C'est en gros, c'est simple, c'est elle qui décide ce qui est cool, ce qui ne l'est pas. Elle est suivie constamment par une nuée de copines qu'elle trouve parfois un petit peu pénible, parce qu'elle a fait un petit peu semblant de temps en temps. Elle a un gros crush sur le capitaine de football qui s'appelle Ted Connor. Elle lui a d'ailleurs offert un petit porte-clés alimenté d'une petite chaînette avec un petit cœur parce que Diana est très subtile. Donc elle a beaucoup beaucoup d'espoir. Elle espère devenir la petite copine de Ted. Elle connaît aussi Babs depuis qu'elles sont toutes petites. Hein. Elles ont été à l'école ensemble. Elle a un très bon souvenir avec elle d'une chasse au trésor qu'elles ont fait toutes les deux. Elles avaient été mises en groupe pour le faire ensemble. Et elle a d'autres souvenirs, notamment avec Trevor et Tristan. Trevor parce qu'elle le croise très régulièrement dans la boutique où il travaille. Et Tristan parce que... ils ont fait quelque chose dont elle ne veut plus jamais entendre parler sur une soirée. Ils ont dansé sur Dirty Dancing. Donc à la maison, pour Diana, c'est pas forcément super super, parce qu'elle a découvert que son père avait une liaison avec sa prof de danse. Ses parents... comme comptable dans une entreprise proche de la ville, et sa mère reste à la maison, elle s'ennuie, elle tricote et elle attend un peu que ses journées passent. Voilà en gros. Sinon, Diana aime se rendre dans la boutique de musique de la ville, donc où travaille Trevor, et au parc où elle emmène Cookie, son berger allemand de 6 ans, pour se promener. Ok, on va pouvoir passer donc à l'inénarrable Tristan. Eh bien, je m'appelle Tristan Moustache Gardner. Mon surnom vient bien sûr de cet attribut qui est tombé sur mes lèvres le jour de mes 13 ans, bien sûr. Je mesure 1m80, je fais 80 kg, j'ai pas un physique très impressionnant. Et ce n'est pas très grave dans le sens où j'ai pour habitude de pas être dans les problèmes parce que tout le monde m'apprécie. Je suis un peu le clown de la classe. Je suis là avec ma bonne ambiance, ma bonne humeur, mes jeux de mots, mes paillettes, mes petites danses. Voilà, vraiment tout exacerbé. Je suis extraverti, on va dire, mais peut-être aussi plus pour me protéger, vraiment. J'ai cette couche des... Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai une couche assez extravertie, en tout cas, qui me permet de mettre à distance les gens. Je suis très très bon à ça, hein. J'ai beaucoup d'éloquence, pas mal de charme, un charme qui vient d'ailleurs de mon père. On peut dire que je rayonne, que je suis radieux même, je suis radieux. Voilà, mon charme vient de mon père qui est un vendeur de voitures d'occasion, un arnaqueur selon certains, et un arnaqueur selon d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais me vendre, je sais vendre, je sais charmer, je sais jouer avec les mots, avec mon sourire, avec mes intonations pour faire passer un peu tout ce que je veux. Donc je suis assez rarement dans les problèmes en tout cas. J'ai fondé un club avec ma meilleure amie qui s'appelle Babs, que je considère un peu comme ma petite sœur, même si on a à peu près le même âge, mais c'est juste qu'en termes de taille, on n'est pas sur la même... Sur la même taille. Je considère que ma petite sœur, je cherche un peu à la protéger, à la défendre en tout cas, dans le sens où j'ai fondé ce club aussi pour l'aider bien sûr à le fonder, mais aussi pour attirer l'attention sur moi et s'il y avait des moqueries pour pas qu'elle soit toute seule ou autre. Et surtout parce que j'ai un secret, en tout cas j'ai un secret, j'ai une tragédie dans ma vie, c'est que ma mère est morte noyée dans le lac et on essaye d'élucider ce mystère en tout cas avec elle. J'ai rencontré toute l'équipe, plus ou moins dans ma vie, notamment Trevor, avec qui on a des grands débats sur le glam metal, le glam rock. Ted Connor, bien sûr, qui est un de mes crushs, en tout cas un peu secret. Barbara, bien sûr, c'est ma petite sœur. Et Diana, écoutez, moi j'ai fait une chose avec elle que j'aimerais refaire, en tout cas. Et je laisserai l'ambiguïté ici. Ok. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Très important également, excusez-moi, je suis également fan de Steven Seagal. Très important. Merci beaucoup. Alors, que je gère ma musique. Hop. Si c'est trop fort, n'hésitez pas à le dire. Si c'est pas assez fort, n'hésitez pas à le dire non plus. Donc, certains d'entre vous l'ont déjà dit, nous allons commencer à Willesden Town, ou Willesden. C'est une petite ville des États-Unis, comme il en existe des milliers, banales. Presque tout le monde se connaît et les potins filent à la vitesse du son. Que dit le voisin, qui fait quoi, qui trompe qui? Banal. Et pourtant, l'atmosphère a quelque chose de différent. Certes, et il y fait bon vivre, comme dirait Monsieur le maire, le papa de Ted. Mais il y a autre chose. Un petit quelque chose en plus ou en moins. On saurait trop dire. Comme si à certains endroits, la lumière est trop vive, les ombres un petit peu trop présentes. La sensation que quelque chose se trame. Et c'est la sensation que Rick Emerson a eu toute la semaine. Il y a une chaleur orageuse, vraiment dure à supporter, qui s'est abattue sur toute la région. Et ça n'a rien changé vraiment à cette sensation, cette humeur qu'il tient, et l'odeur d'ozone qu'il y a dans l'air qui finit par lui taper sur le système. Allez, dernière nuit de la semaine. Il se frotte la moustache et reprend son bloc-notes et il vérifie les constantes de la chose, la routine. Et puis d'un coup, il la sent comme un grattement au fond de son crâne. Un grattement qui se fait de plus en plus fort. Il commence à paniquer, mais merde, merde. Il laisse tomber son calepin, il se précipite vers une étagère vitrée. La sensation dans sa tête se fait de plus en plus douloureuse, de plus en plus présente. Il essaye d'ouvrir cette armoire, il a les doigts qui tremblent. C'est pas possible, putain. Il en sort une seringue, mais ça lui échappe des mains. Merde, merde, merde, non, c'est pas... C'est pas possible. Et d'un coup, Rick Emerson se redresse. Il ne s'est jamais senti aussi bien. Il prend ses affaires et quitte le complexe. Le garde à l'entrée le trouve certes étrange, mais Pas plus que d'habitude, pas plus que la plupart des scientifiques qui travaillent ici à l'Institut. Et Rick Emerson prend sa voiture et disparaît. Nous retrouvons maintenant Wilsden au matin, où chacun d'entre vous se prépare pour aller à l'école. Trevor, qu'est-ce que tu fais le matin avant de partir ? Je m'assure que Eddie a mangé avant de partir. Je le glisse dans mon sac. Avant ça, bah, j'aurais pris un rapide petit déjeuner. Ma mère n'est pas présente à la maison puisque elle travaille tôt le matin. Elle a l'habitude de me laisser de quoi prendre mon petit-déj le matin avant de partir. J'avale rapidement des céréales gorgées de lait je profite de l'absence de ma mère pour mettre un vinyle très fort dans la maison. Je chante pendant que je chante sous la douche et je continue de chanter alors que j'essaie tant que possible de donner forme à mes longs cheveux hirsutes, aidé en cela par les soins capillaires que Babs, il y a quelque temps de cela, m'a fourni pour m'aider justement à pouvoir mieux me démettre avec mes longs cheveux. Une fois que c'est fait, je prends mon Walkman et casque sur les oreilles, sac sur l'épaule, je sors de chez moi et j'attends le bus pour aller à l'école. Ok, tu y vas donc en bus. Très bien. Oui. Ted, toi aussi tu es chez toi, mais pour toi c'est une journée un petit peu particulière. Tu sais que dans l'après-midi, après les cours, il y a un match. Donc le stress est un petit peu là tout de même, et tu vas d'ailleurs avoir ton père qui va faire un commentaire là-dessus. J'espère que tu as l'intention de briller un petit peu cet après-midi. Écoute, comme d'habitude, de toute façon, on est là que pour gagner, hein. Je ne pourrais pas être là, il y a un conseil, mais j'enverrai ma secrétaire. Pour ce que ça change. Eh bien, je me dois de faire acte de présence, au moins par substitution. Tu le dis. Et je me dirige pour prendre mon petit déjeuner, qui est à base d'œufs durs que ma mère me prépare, pour faire le plein d'énergie avant le match. Tu te rends au lycée en bus aussi ou pas ? Je pense que j'y vais plutôt à pied avec ma sœur Meredith. J'attends qu'elle finisse de se préparer, puis on part ensemble. Ok, elle est déjà prête. Tu sais que les jours de match, pour beaucoup hein, d'ailleurs, à Wilsden, c'est un événement. C'est le genre d'endroit où toute la ville est là pour soutenir l'équipe, enfin, pour la plupart, bien entendu. Et ta petite sœur aime bien aussi ce genre d'ambiance. Donc, elle est prête largement avant toi. Elle va lever les yeux au ciel, hein, d'ailleurs. Quand elle entend tes échanges avec ton père. Hey Meredith, on y va. On va pas retarder papa pour son conseil. Il vous écoute même pas, là. Il a repris son journal. C'est comme si vous étiez déjà parti. Babs, comment te rends-tu au lycée ? Alors le matin chez Bab, c'est un petit peu le joyeux bordel, on va dire. Il y a beaucoup de monde, donc ils sont 6. Ça parle dans tous les sens. La mère et la grand-mère discutent des des nouvelles du jour, le grand-père lit son journal, le père chantonne tranquillement en préparant son jeudi, Babs et son petit frère se chamaillent, mais laisse-moi, hé, gros lardon, non mais laisse-moi, maman, il m'embête, mais arrête, oh, il m'a piqué ça, voilà, donc c'est un petit peu, et tout le monde s'engouffre dans une voiture aléatoirement au dernier moment, soit, et tout le monde part à moins 4 minutes de l'horaire et de la sonnerie des cours, quoi, voilà. Ok. Tu vas me faire un petit test. Hein, on va commencer par toi. On se demande pourquoi. fais-moi un petit oui. test de brain. Difficulté. Attends que je regarde mes difficultés. Difficulté 7. D'accord, c'est dans une pieuvre value. Non, la difficulté, tu l'as, mais pas. Je crois que tu lances juste. Je crois, d'ailleurs. D'accord. J'ai pas vérifié vos feuilles. Tu lances juste ton brain. Eh bien, non. Brain, ce n'étant pas la spécialité de notre base. Et effectivement, donc tu ne vas pas remarquer, mais ton petit frère t'a savamment glissé un toast plein de confiture juste sous toi au moment où tu t'es assise. Mais c'est pas vrai, mais c'est horrible, mais maman, mais c'est dégoûtant, mais maman, je vais te tuer, toi, je vais te tuer. Il va ricaner tout le long du chemin, tu es suffisamment loin de lui pour ne pas pouvoir l'attraper. Et nous allons passer à Diana Newmark. Alors, moi je me lève très très tôt le matin, parce que il faut que je sois prête, en plus il y a un match aujourd'hui. Donc j'ai pris mon petit déjeuner très tôt et j'ai été m'entraîner, enfin j'ai sorti mon chien. Et j'en profite aussi pour m'entraîner un petit peu à faire des mouvements. Donc les fameux W, trucs que je devrais faire tout à l'heure parce que quand même tout repose sur moi. Et après je rentre donc à la maison et... je tombe donc sur mon père qui est en train de se préparer pour aller travailler et ma mère en robe de chambre qui est assise à la table du séjour. Et d'ailleurs ton père en attachant sa cravate te regarde et... Tiens, t'es levé tôt dis donc ce matin. Ah, c'est très bien que je me lève tôt quand il y a des matchs. Ah, il y a un match, oui c'est vrai. J'espère que ça ira pour vous. Il a un sourire oui. un peu désolé. Et je le regarde quasiment pas et je vais me servir un... Tu vois qu'il fait un mouvement pour essayer d'aller vers toi, de dire quelque chose. Et puis, au moment où il fait ça, il y a le téléphone qui sonne. Et il va aller le décrocher. Oui. Comment ça ? Oui, bien sûr que j'arrive. Oui, ok. C'est très bien, je me dépêche, je suis là tout de suite. Et il va raccrocher. Et puis, bon, apparemment, il y a un souci au boulot, il faut que j'y aille. Désolé, chérie, j'aurais bien aimé voir ton match, hein, mais je pense que je ne serai pas rentré. Ah bah, bien sûr que tu ne seras pas rentré. Bon, je vous laisse. Je lui dis rien, je mange mes céréales. Sans le regarder à nouveau. Et Tristan, de son côté ? Moi, je me réveille un peu tranquillement. Je me coiffe, mon mulet, la moustache, tout mon poster de Steven Seagal et je m'habille pour le lycée. Je commence déjà à prendre mes affaires et surtout à prendre mon Walkman que je mets déjà un peu sur ma tête. Je sais qu'à l'étage du dessous, il y a ma belle-mère que je déteste absolument et que je vais pas y croiser. J'ignore si mon père est présent, mais en tout cas, j'ai pas envie de discuter. Je me sens pas trop à l'aise chez moi. Et j'ai juste qu'une envie, c'est de partir au lycée. Malheureusement, tu vas quand même croiser ton père qui sort, lui, de la chambre. Il a l'air de se réveiller à peine. Alors, champion, ça va ? Eh ben, plutôt bien, ouais. Écoute, papa, ça va bien comme un lundi, putain. Pardon. C'est rien. Allez, je vois que tu t'es mis sur ton 31, tu vas toutes les tomber, toi. Et il te fait, tu sais, un signe en te pointant des deux doigts comme ça, avec un gros clin d'œil bien ridicule. Ça se trouve, c'est moi qu'on va tomber, papa. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Allô, allô ? On s'entend encore entre nous ? Oui. Ça y est, ouais, je suis oui, on... survenu, je vous entends. Ah, c'était okay. L'insolence de c'est bon, le gros vent que son père lui a mis. Ouais, franchement, j'ai eu toute l'éducation de mon père en mode dans les yeux, il pleurait quoi, il était mode. Ouais. Alors justement, c'est toi qui lui as mis un vent parce que je n'ai pas entendu ce que tu as répondu en fait. Ça a coupé à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute papa, ça se trouve c'est moi qu'on va faire tomber. Et là, je lui lance un gros clin d'œil dégueulasse. Ah bah justement, voilà. Là, il t'a répondu qu'il avait entendu parler d'un match cet après-midi. Là, on y sera tous avec les amis. Tu y passeras ? Ah, parfait, parfait. Ouais, j'y passerai peut-être. Mais par contre, attends. Et il se retourne et tu le vois qui se penche dans sa chambre. Il y a le lit qui est derrière avec le tas informe des couettes. Tu sais que ta belle-mère est cachée quelque part là-dedans. Il va fouiller deux secondes. T'entends des bruits de trucs qui se cassent la gueule par terre et tout. Et il te sort un paquet de flyers. Tiens, tu pourras distribuer ça en passant. C'est la meilleure occasion qu'on aura. C'est pour la concession ? Bah évidemment, pourquoi veux-tu que ce soit ? J'avais espéré, c'est tout. Et tu veux que je distribue ça à qui ? À mes potes qui n'ont pas encore l'âge pour avoir le permis ? Bah ils ont des parents, tes potes. En plus, ouais, il y en a certains qui seront bientôt en âge d'avoir une bagnole. Ah, bah, mais c'est ça que j'aime chez toi, papa, c'est que tu vas toujours plus loin que moi. Un jour, tu m'apprendras. Je prends le flyer, c'est tout bougon, et je lui mets dans ma poche. Et il va repartir se coucher directement. Et là, je mets la musique dans mon casque et tout, et je me prépare vraiment un œuf au plat, limite crade. Et après, je vais au lycée. Tu y vas en bus, en voiture, comment te rends-tu au lycée ? Tout simplement à pied, en marchant au rythme de la musique que j'ai mis dans mes oreilles, pour un peu, déjà, pour rentrer dans ma bulle personnelle, vraiment. Ça me sert un peu déjà à faire vraiment la frontière entre chez moi, où je me sens pas à l'aise, et le lycée. Il y a toute cette émotion de la musique que ça m'amène, etc. Donc vraiment à pied et en marchant vite. Je ne comprends pas pourquoi tu te sens mal à l'aise dans cette ambiance saine. Ton père a l'air de t'apprécier. Il a l'air. Donc, vous allez tous arriver au lycée à peu près au même moment. Est-ce que certains d'entre vous se rejoignent ? Comment ça se passe pour vous quand vous arrivez au lycée ? Déjà, moi, je reste à les murs, dégoûtée, pour aller nettoyer ma jupe. Voilà. Et je descends bien mon sac à dos pour pas qu'on voit, et je vais aller nettoyer ma jupe aux toilettes. Tu vas sans doute croiser Tristian sur le chemin. Et oui, moi je la vois au loin comme ça, un peu gênée, un peu vraiment faire profil bas, et ça m'inquiète directement, donc j'essaie de courir vers elle avec toute discrétion avec mes 1m90. Hey, Babs ! Après. Oh, je suis dégoûtée, tu devineras jamais ce qui m'arrive. Chris t'a embrassé ? Ah, mais non, je suis au 7e ciel, non. Mon frère m'a collé une tartine pleine de beurre et de confiture sous les fesses dans la voiture. Ah, oh, c'est vraiment un petit merdeux, putain. Je passe vite aux toilettes avant les cours. Pas de soucis, pas de soucis. Je te couvre si t'arrives en retard en cours, t'inquiète. Merci, merci, merci, merci. Trevor, tu arrives en bus dans le bus, tu as entendu des élèves qui discutaient justement du match de foot. Apparemment, il y aura une soirée ce soir qui se passera sur l'îlot. Cette petite presqu'île que vous avez au milieu du lac et sur lequel se passent pas mal des soirées de votre lycée. Hein. Je suis toujours un peu ambivalent quand j'entends parler des soirées post-match de foot parce que j'ai pas forcément l'impression d'y être à ma place. Mais je pense que si je peux, j'essaierai quand même de faire un tour. En tout cas, je verrai si certains de mes amis, si Tristian par exemple, a l'intention d'y aller, j'irai avec lui. Mais si je suis tout seul, je pense que je m'y aventurerai pas. Oh, tu sais que ce genre de soirée, de toute façon, la plupart des gens vont s'y trouver. Il y a forcément dans certains de tes amis qui se trouvent là. C'est pas la soirée vraiment réservée à l'élite, comme on pourrait le croire, hein, où il y aurait juste les footballeurs, les sportifs et les gens populaires. Tout le monde s'y trouve, hein, même si, bien sûr, on retrouve les clans là-bas qui vont se faire autour des feux de camp et autres, hein, mais généralement, tout le monde s'y trouve. Ok. Je pense à ça, et puis je descends du bus, je remets mon casque sur les oreilles, et puis un peu enfermé sur moi-même, concentré sur ma musique. Je marche en direction du bâtiment principal et je regarde si je vois quelqu'un que je connais. Mais à moins que ce soit quelqu'un de très proche, je vais continuer mon chemin et me rendre dans mon premier cours. Je pense que tu vas croiser Ted qui arrive. Hein, et Ted et Diana, vous arrivez à peu près au même moment. Je rejoins Diana. Diana, est-ce que vous êtes prête avec les filles pour la Corée ? On est prête, t'en fais pas Ted. On est toujours prête pour toi. C'est que... Et pour l'équipe, bien sûr. Les gars, ça les motive... Quand on vous voit danser et tout, c'est hyper motivant. En plus, à chaque fois, vous préparez des trucs super. Donc, voilà, je compte sur toi. Puis je lui mets la main sur l'épaule, mais un peu amicalement. Mais trop amicalement. On va sortir le grand jeu, Ted. Ah, ok, super. Merci, Diana. Babs, alors que tu es en train de te nettoyer hein, dans ces toilettes. Qui toi ne aussi, sont pas mixtes. Qui ne sont pas mixtes, non, bien entendu. Surtout à l'époque. Tu vois, c'est vrai, les toilettes n'étaient pas mixtes à l'époque. Le mec, il descend. Tu vas entendre, toi aussi, des filles qui sont là, qui ont l'air de discuter de cette soirée. Et qui parle en particulier de la présence de tous les joueurs de football qui seront là, oui, et puis certaines aimeraient bien aller un petit peu parler à Chris, ce serait l'occasion. Donc là, je suis en mode auditif exacerbé. Le pavillon auriculaire s'ouvre. Et Babs est super concentrée, elle remet nerveusement et un petit peu convulsivement la mèche de cheveux derrière l'oreille. Et elle écoute, et elle se lave 25 fois les mains, bien sûr, pour pouvoir faire traîner, pour avoir la moindre parcelle d'informations sur Chris. Ok, tu vas pouvoir me faire un nouveau petit test de brain encore, hein. Difficulté 6 cette fois. C'est un 6. Alors, il faut pas oublier, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, lorsque vous faites un test, quand vous le ratez, comme toi tout à l'heure, Babs, oui. Vous notez un token d'adversité. Et c'est très important. Tout à fait. Parce que c'est vous qui allez en faire le compte. Donc, je checkerai de temps en temps. Mais l'idée, c'est que ces tokens vous servent à augmenter votre jet. Si tu avais fait 5, là, tu aurais pu mettre un token pour passer à 6 et réussir le jet. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, note bien ton jeton de tout à l'heure. Ok, merci. Tu vas entendre, parce que justement, là, te regarde un petit peu en coin, t'as l'air de... Qu'est-ce qui t'arrive, là? T'as les mains trempées dans le compost, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en tout cas, il y en a une qui va se pencher pour parler plus discrètement aux autres. Oui, en plus, vous savez, il paraît que le père de Chris a disparu. J'ai entendu ça ce matin, et il est pas bien, Chris. Je pense qu'il aurait besoin d'être consolé. Donc là, Babs étant en mode intérieur frénétique, extérieur en composition serein, hein, bien sûr, elle est sereine, elle est juste ce petit tic nerveux de remettre la mèche derrière son oreille. Et, mais voilà, Babs, elle ne sait pas comment faire pour aller aider Chris. Elle aimerait bien, mais bon, elle va se présenter, elle va se pointer, ça va être terrible. Mais elle va y réfléchir toute la journée. Pour essayer de faire quelque chose, pour essayer d'y aller, pour se motiver, avant de parler à Tristan, il aura la réplique. Et d'ailleurs, bah, tu vas sortir et Tristan t'attend toujours. Exactement, au niveau des toilettes, juste à côté de la porte. Avec son chien. Viens, je le prends par le bras et j'avance, je dis, tu sais pas la dernière La confiture? Non, quand j'étais dans les water, tu sais là, les filles de notre section, elles étaient en train de discuter, et en fait, le père de Chris, il a disparu. Attends, il a disparu, mais c'est trop bien pour notre club, ça. On va pouvoir faire une enquête, Babs. Mais c'est pas trop bien, Chris il doit avoir mal. Oh non, tu peux pas te réjouir de la douleur de Chris. Babs, on en a parlé, pas Chris. Mais j'ai pas envie, maintenant j'ai envie de pleurer. Ah, je mets la main sur l'épaule et je fais, écoute, tu me promets que si ça échoue, enfin, on va essayer, d'accord, je suis là pour toi, je te soutiens. Ouais. Voilà, on a toujours été là, oui, pas de soucis. Je vais t'aider à l'approcher. Mais le pauvre, il doit souffrir, hein, l'eau. Exactement, et il faut pas que tu ailles trop en mode... Je sais que tu souffres. Il faut que tu ailles un peu en mode tiens, j'ai retrouvé cette affaire qu'on t'a volée. Et c'est moi qui l'ai volée d'ailleurs. Tu te rappelles, je vais voler un truc et je te le donne maintenant tout de suite. Tiens, d'ailleurs. Un t-shirt de Chris, un de ses t-shirts préférés, meuf. Mais t'es fou. Alors Babs le roule en boule et se le fout sous le t-shirt. Alors, justement. Tristan, s'il te plaît, tu vas me faire un petit test de brain, difficulté 7. Tu peux te noter un petit token d'adversité. Malheureusement, tu n'en as pas pour le moment. Tu peux en noter deux, car nous avons Easygoing comme personnalité qui nous permet de marquer deux tokens au lieu d'un. Il faut le rappeler, effectivement. Donc, tu notes deux tokens d'adversité pour le moment. Par contre, toi, tu ne vas pas remarquer, mais Babs, justement, quand tu... prends le t-shirt, tu fais attention, tu te dépêches et tout. Tu vois que certaines personnes, en particulier des personnes qui parlaient de Chris, qui sortaient des toilettes à ce moment-là, elles vous regardent très bizarrement. Oui, donc c'est pour ça que j'attrape à la vitesse de l'éclair comme un rapace le t-shirt que j'enfourne sous ma propre chemise, quitte à avoir l'air débraillé. Je prends un air naturel dégagé, comme ça, dans le couloir. Non, toi, non. Et quand elles sont passées, je dis, Tristan, mais t'es fou, mais il y a plein de monde, on va se faire voir. Ah, excuse-moi, je pensais vraiment qu'on était discret. Oh, attends, je peux pas être discret, tu me connais, je vais mettre 90, Bab, s'il te plaît. Même si j'essaye, ça ne passera pas, d'accord? Je m'en veux pas. J'ai ce t-shirt là, et vu que c'est soir, journée de match, si tu ramènes ce t-shirt préféré à Chris, t'auras une occasion de l'approcher, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le pauvre, il doit tellement souffrir. Et justement, tu pourras lui demander comment il va. J'ai pas mis de maquillage aujourd'hui. Et puis je me suis acheté sur la confiture. Je la secoue. Babs, oui. On en a déjà parlé. peut-être qu'il t'aimerait pour ton côté nature, d'accord? Et au pire, là, ça se trouve, s'il est triste comme tu le dis, il aura les yeux rougis, il verra pas tout le monde autour de lui, t'inquiète pas, il va pas te juger par rapport à ça. Ok, nature. Nature, faut que je reste nature. Nature, tu restes Babs, c'est comme ça qu'on t'aime, c'est comme ça que je t'aime, Babs. Tu restes Babs. Babs. Je sors la Babs qui est en moi. Babs, tu restes Allez. Nature. Tu on va chercher Chris, Babs. T'es prête? On y va. Maintenant? Non, dans la journée, enfin, quand tu veux. Je suis pas quelqu'un qui passe. On va en cours. Vous allez vous rendre en cours, donc, et toi, Ted, avant de t'y rendre, tu es encore justement avec Diana. Tu vas avoir des membres de ton équipe qui vont arriver. Ted. Oui. T'as entendu oui. Pour Chris, il y a un souci avec son daron, là, apparemment. Il n'est pas rentré. Hier soir, il est parti. Il est toujours pas là. Du coup, il est pas au top, là. Il est où? Je crois qu'il est dans le hall pour le moment, mais ça a pas l'air fort. Enfin, on devrait peut-être le remplacer pour le match, non? Je vais aller le voir. Mais oui, cherche qui pourrait le remplacer. S'il veut pas jouer, on mettra quelqu'un d'autre à la place. Je prends la direction du hall pour retrouver Chris. Au revoir, Ted. Tout à l'heure. Tu vas pas avec lui donc à toute Diana. Non, parce que je vais pas avec lui parce que je sais intuitivement que je pense pas que Chris ait envie de partager son mal-être avec moi. Du coup, je pars plutôt rejoindre mes copines cheerleaders. Ok. Peut-être tu vas trouver Chris sans trop de problèmes. Quand je trouve Chris dans le hall, je l'écarte un petit peu du passage là où il y a vraiment tous les autres élèves qui arrivent. Ça va, mec? Il paraît qu'il y a un problème avec ton père. Ah oh, putain, mais tout le monde est au courant ou quoi? Ah, t'sais, ça hit les nouvelles, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'en sais rien, il est juste pas rentré. On n'a pas de nouvelles, rien. Il n'a pas essayé de vous appeler? Non, rien du tout. Je sais pas, c'est rien. Tu rien, vois bien, c'est rien. Tu vois bien qu'il te dit ça, mais il est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Chris? Tu sais que tu peux compter sur moi, on est quand même frères d'armes, quoi. Tu crois que ton père pourrait aider et il a des relations, non? Si tu veux, je peux lui parler. Enfin, il sera pas au match cet après-midi, mais il y a sa secrétaire, donc je pourrais lui demander si tu veux, si on a le temps de la croiser, je pourrais aller la voir pour qu'elle lui glisse un mot. Et je lui en parlerai ce soir quand je le reverrai, quand il rentrera. Mais vous avez appelé la police déjà? Ouais, ils nous ont dit qu'il fallait attendre. Mais tu sais ce qu'il a fait hier soir avant de pas rentrer? Il t'a dit qu'il allait quelque part? Non, il a eu un coup de fil et il partait au boulot. J'en sais pas plus. Si ça se trouve, c'est pas. Enfin, c'est peut-être pas si grave que ça, mais je vais parler à la secrétaire de mon père quand elle sera au match et on va remonter ça. Ça marche? Ouais. Pour le match d'ailleurs, Est-ce que tu veux faire partie du match? Tu veux jouer pour te changer les idées ou tu te sens pas? Moi je te force à rien. Si t'as envie de jouer, tu joues. Et si vraiment tu le sens pas, on pourra trouver quelqu'un pour te remplacer. Mais c'est au mieux. Moi je pense que ça pourrait te changer les idées. Pendant au moins les 3 heures du match, tu penseras à autre chose et tu pourras te défouler et tout, mais si tu le sens pas, il n'y a pas de problème. C'est comme tu sens. Non, bien sûr que je vais jouer. Attends, tu crois quoi? Vous allez trouver qui pour me remplacer, de toute façon? Tristian? Bah, disons qu'il ferait une super mascotte, mais c'est pas un aussi bon quarterback que toi, je pense. Bah écoute, je suis content. Si tu veux jouer avec nous, pas de problème. Mais si jamais tu le sens pas avant le match, on se débrouillera. Et puis au pire, si on perd, ça fera chier mon père. Et tu sais bien que moi c'est gagnant-gagnant. Hein. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant mieux aussi. Ouais, bah je préférerais gagner quand même. Hein, si ça te dérange pas. Je sais qu'il y a des soucis avec ton daron, mais on va peut-être éviter que ça rejaillisse comme ça. Non. Je lui fais un check pour le motiver un petit peu et le cheer up. Allez, viens, on va rejoindre les autres. Et il va te suivre sans aucun souci. Vous allez donc avoir vos périodes de cours. Alors, à moins que vous souhaitiez RP une scène en particulier en cours, il faut me le dire, sinon on va pouvoir ellipser. Pas de problème. Non, rien de particulier. Non, ça ira pour moi. C'est moi qui avais préparé des cours et tout. Non, je déconne. C'est du bluff. Tu bluffes, Martoni. Du coup, on veut un cours de maths. Vous allez donc finir cette période de cours un petit peu turbulente. C'est comme ça, de toute façon, tous les jours de match. Donc c'est pas une grande surprise, mais en plus la nouvelle du père de Chris qui ne serait pas revenu, tout ce genre de petits drames que dans une petite ville tout le monde entend très très rapidement, ça rajoute en plus une couche. Je vais vous demander à tous un test de brain difficulté 6. Oh là, je pense que je me suis trompée sur mon jet. Et pourquoi ça? Parce que me demande une input value. Ah. J'aurais rien dû mettre en fait. Ouais, t'aurais rien dû. Mais c'est pas grave, tu as fait 6. Tu veux que je le rejette? Ouais, j'ai fait 6. Non, on voit le jet, y a pas de problème. Ok. Alors, je vais regarder ceux qui ont échoué d'abord. Donc, on a Ted Connors. Toi, tu es trop concentré sur ton match, peut-être aussi sur les drames de Chris et de sa famille. En tout cas, tu fais pas tant attention que ça au qu'en dira-t-on. Alors que Trevor, toi, c'est un peu plus problématique comme échec. Donc tu as échoué de 5. Donc ça, c'est quand même un bel échec. Qui fait que tu vas commencer à avoir des gens qui parlent de façon animée, ça va t'intéresser. Le problème, c'est que en y allant, c'est au moment où vous partiez pour vous quittiez la salle de classe pour aller manger. Et par pure maladresse, hein, tu vas juste faire renverser toutes les affaires d'un des types qui se trouve là. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, Hawkins? Ouais, je suis désolé, mec. Tu veux que je t'aide à ramasser? Excuse-moi, j'avais un peu la tête ailleurs, désolé. Vas-y, mais laisse tomber, quoi. Allez, il va te pousser. Casse-toi. Je vais ramasser tout seul. Et tu vois que là, disons que les gens qui sont autour te regardent et ton ego en prend un coup quand même. J'hésite à partir et puis je relève le regard et je bouge pas et je le fixe et je bouge pas de ma place. C'est toi qui étais sur mon chemin après tout aussi, non? Pardon? Je dis juste, j'ai pas forcément à partir, tu vois quoi. C'est un accident. Obligé de me pousser. Et il va s'approcher de toi, il y a ses potes à côté. C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de foot. Tu tiens vraiment à me chercher la merde aujourd'hui, là? Je peux m'interposer. À toi de voir. J'ai demandé si je pouvais intervenir aussi. Oui, je voudrais retenir James. Je passe mon bras à travers lui. Je fais concentre-toi. Déjà, tu l'embêtes pas. Trevor, c'est mon pote aussi. Et j'ai pas envie d'avoir une bagarre une heure avant le jeu. Donc, tu te rassois, s'il te plaît. Je vais te demander un test de charme, difficulté 4, s'il te plaît. Oh. Tu sais que les gars de ton équipe ont un peu le sang chaud, hein, surtout les jours de match. Donc il va mettre un coup d'épaule juste pour te dégager, hein, c'est pas une agression, mais vraiment si tu secoues comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu traînes avec des minables pareilles là? Est-ce que je peux intervenir aussi du coup? Ah, mais allez-y. Je vous en prie. Ah, ok. Calmez-vous les garçons, c'est bon, il a pas fait exprès. Fais-moi un test de charme aussi, difficulté 6. Ok, je peux arriver. Attends, parce que là justement, Trevor, t'es quand même le premier concerné, et là il va te regarder, et maintenant même les pom-pom girls viennent te défendre. Putain, bravo Hawkins, tu te surpasses. Moi, je le défends pas, c'est pour vous empêcher de vous battre alors que vous avez un match dans quelques heures. On a besoin de ta force, James, ok? On n'a pas besoin que tu te fasses mal en frappant un minable. Maintenant, il n'y a pas de minable ici, et James, tu te reconcentres parce que t'es bien content après quand on a les gars de notre classe qui nous applaudissent dans les gradins. Je peux arriver à ce redescends moment-là. Redescends un peu. Hé, James, on se détend, mon pote. James, on se détend, mon pote. T'es stressé, tu t'en prends à Trevor. Faut pas stresser, mon ami. T'es le meilleur. Oh putain, il manquait plus que lui. James. Et là, je lui mets la main autour de l'épaule et tout, en mode, allez, concentre-toi sur le match, mon ami. Concentre-toi sur le match. Regarde, j'ai un petit flyer pour la concession de mon père. Regarde, je te fais 20% de plus, tu sais. C'est pas magnifique. Un test de fight, s'il te plaît. Difficulté 7. Je peux pas perdre. Non, on peut pas faire charme parce que j'ai trop de qualité dans le charme, bien sûr. On a passé le charme, là. Oh. Il va essayer de te frapper. Tu vas tout naturellement juste te décaler. Et il va te regarder... Bande de naze. Hawkins, on se retrouvera après le match. T'inquiète pas, je t'oublie pas. Et il va juste. Moi aussi, je t'oublie pas, James. T'inquiète pas. Écoutez, s'il y a un problème, je serai avec Trevor. Là, je prendrai dans les bras en mode ouais, on l'aura su. Alors, ouais, bah... tu es au courant. Non, il est parti. Oui, non, mais il y a d'autres membres de l'équipe de foot qui sont ici, hein. On rigole tous, les gars, on rigole tous. Allez, viens, Tristan, on se casse de là. Allez, on va regarder le match. Faites un beau spectacle, les gars. Compte là-dessus, Tristan. Puis je me tourne vers James, je lui dis, c'est la dernière fois que je vois ça. Ah, James, il est parti. Il est parti en furie, là, de toute façon. J'ai oublié de vous demander, est-ce que vous voulez un flyers? Non, merci, Tristan. J'en ai plein et je m'en sers pour tapisser le mur, la porte de mon placard. Alors vas-y, je vais en prendre, hein, ça fera de la déco. Bah, n'hésite pas à prendre le paquet parce que j'ai vraiment pas envie de donner ça à tout le monde ce soir. De toute façon, j'ai mettre dans la poubelle. Donne-moi un, je le filerai à mon père. Oh, arrête, tu vas pas acheter une voiture chez mon père, c'est très bien que c'est de l'arnaque. Oui, mais moi non, mon père il fait ce qu'il veut de ses thunes après. Ouais, c'est vrai qu'au final il a pas de problème là-dessus. Ouais. Bah, tiens, écoute. Je range le flyers dans mon sac. Babs, bon, bah, deux flyers distribués, travail effectué, et je jette le reste à la poubelle. Babs, tu te trouves où pendant ce temps-là, d'ailleurs, pendant cette altercation? Qu'est-ce que tu faisais? Si Chris est dans les parages, je suis tourné en train de le regarder. Hein. Et Chris, lui, n'a même pas regardé ce qui se passait. Tu vois qu'il est, tête baissée, concentré sur ses affaires. Il va même finir par sortir un Walkman. C'est ce moment que choisit Babs pour d'un pas d'automate et rigide, tendu, le visage crispé dans un sourire qui est une tentative de soyons le plus sociable possible, Babs va se diriger vers Chris pour aller lui dire quelques mots. Ok, il te voit même pas arriver, il a mis ses écouteurs, il allume son Walkman. Chris, elle fait un petit signe de la main. Chris, je voulais dire que je suis désolée pour ton père. Et si tu as besoin de l'aide du club pour t'aider en enquête ou Il va relever la tête d'un coup. Il te regarde. On est à ta disposition. On est là si tu as besoin d'aide. On peut t'aider peut-être. Il enlève ses écouteurs. En tout cas, je suis heureux pour toi. Il enlève ses écouteurs. Quoi, t'as dit quelque chose? Chris, salut. Je suis vraiment désolée pour ton père. Et si le club d'enquête est du lycée veut t'aider, on sera à ta disposition pour t'aider. Je suis vraiment navrée. J'espère que tu souffres pas trop. Tu sais me trouver, c'est au deuxième étage, au fond du couloir. Allez, bonne journée. Go, Wildcat. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Difficulté 10. 72. Alors, il faut pas oublier, mais normalement ça se fait automatiquement, mais tout à l'heure Diana, quand tu as fait ton jet, tu as fait un 12 parce que tu avais rajouté le 6. Il faut faire attention à ça parce que étant donné que vous avez des dés explosifs, ça peut monter très très haut, mais si tu rajoutes un truc derrière, ça peut faire bugger le truc. Ok. Okay. Pendant ce temps-là, Babs est super partagée entre le fait de lui rendre son t-shirt et en fait le fait de ne pas le lui rendre pour que tous les soirs, elle puisse renifler l'odeur de Chris avant de s'endormir dans son lit. Donc elle ne rendra pas le t-shirt. C'est plus fort qu'elle. Ok, ouais, peut-être d'accord, merci. Un go-go, Wildcats. Allez, Chris, t'es le meilleur. Et elle s'en va d'un pas très raide et... un petit peu automatique, en claudiquant légèrement. Non, elle s'en va hyper gênée et voilà, vite rejoindre Christian en état de panique absolue. Et tu retrouves Christian, bah justement au moment où il file ses flyers à Trevor. Apparemment, il y a eu de l'agitation ici, même si tu es passé totalement à côté. Je vais parler. J'ai parlé à Chris, j'étais une véritable conne, c'était une horreur. Alors, t'as raconté quoi comme nouvelle connerie? Et encore. Je lui ai dit qu'on était là, le club de mystère, si vous voulez qu'on l'aide pour son père, qui a disparu, il savait où nous trouver, voilà. C'est tout ce que j'ai sur dire. C'est très bien, je suis fier. Comment ça, il a disparu, son père? Il n'est pas rentré chez lui ou quoi? Mais je sais pas, il a disparu son père. Le pauvre, il est tout triste, ça me fait mal au cœur pour lui. Je suis dégoûtée, Trevor, tu sais. Trevor, t'es très bien coiffé ce matin. Ah, merci, Babs, j'ai passé du temps. Content que ça te plaise. Oh, j'aime bien la petite vague sur le côté droit, là, c'est trop top. Ouais, je me suis servi d'un peigne à dents fines et puis de la crème que tu m'as passée, ça marche pas très bien. Si t'en as besoin, il y en a d'autres. Hein. Je la piquerai à ma grand-mère. Hein. Non, c'est bon, j'en ai encore. Peut-être, Diana, vous entendez tout ça. Hein. Vous m'avez pas signifié que vous étiez partie, hein, donc vous êtes à côté. Je me suis juste légèrement éloignée. genre vers mon casier ou quelque chose comme ça. Salut toi, Tatiana. Salut. Salut. Babs. J'ai un sourire un peu crispé. Qu'est-ce que tu lui voulais à Chris? Ah, mais bah, je voulais lui dire que c'est la peine pour lui. Et que c'est terrible ce qui lui arrive. Et que le club d'enquête et du mystère peut l'aider. On peut tous s'y mettre, chercher, faire des battues, le chercher partout. J'aurais mis s'il faut. Oui, voilà, chercher son père. Bab, c'est la présidente du club. Elle a totalement raison. On est là quand même pour éclaircir les mystères de la ville. Et ça reste un mystère, son père qui est parti quand même. N'est-ce pas, Bab? Tout à fait. Et c'est dans l'intérêt de l'établissement. Parce que les Wildcats, ça reste une équipe forte. Et Ted, voilà. C'est un joueur qui doit être fort encore pour que vous puissiez gagner. Donc, on est là pour aider. Go, go, Wildcats! Wildcats! C'est trop gentil de votre part, mais allez-y mollo avec Chris. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Il a pas l'air de trop vouloir que ça s'ébrute pour l'instant. Donc, voilà. Je vais jamais adresser la parole. C'est la première fois. J'y vais mollo, je fais rien. Ted, excuse-moi, Babs est une jeune fille assez fragile, s'il te plaît, ne dites pas des mots un peu maladroits comme ça. Babs est allée voir Chris parce qu'elle s'inquiétait pour lui, elle n'a pas été agressée de rien, donc s'il te plaît, fais attention à elle, d'accord? Non, mais je... Okay. Je ne sais pas si tu as vu, mais James, je claquais des doigts, elle était par terre, d'accord? Calme-toi. Non, mais je te promets, voilà, j'ai proposé notre aide, c'est tout. Voilà, si vous avez besoin, vous avez notre aide, c'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Ça sent pas le beurre encore. Je prends un truc dans mon casier et je commence à partir. Et le truc en question, je le donne à Trevor en passant. C'est un flyer. Et je dis, tiens, j'ai entendu que tu les collectionnais. Je ne voulais pas vraiment dire que t'étais minable. Tu sais que c'était pas ce que je pensais. Et je lui donne un petit peu de force. Et je m'en vais parce que je ne peux pas être vue avec eux trop longtemps. Je suis un peu surpris. Et puis au moment où elle part, juste de la voix un peu plus forte, je dis ouais, ok, merci Diana. Et c'est un flyer de métal. Qu'on m'a donné dans la rue et que juste j'ai gardé et que je lui donne au passage, quoi. Parce que je sais qu'il en collectionne. Je le regarde et je le range délicatement dans mes affaires. Où est-ce que et quand vous je l'entends dire tous... merci, je fais un petit geste de la main pour lui faire comprendre que j'ai entendu, mais je me retourne pas pour pas attirer l'attention. Discrétion ultime. Où est-ce que vous mangez tous le midi? Alors moi, clairement, à la cantine du lycée. Ouais, oui, on mange à la cantine avec Tristan. Ouais, j'imagine bien que vous avez votre table dans un coin, mais l'idée, c'est plutôt, est-ce que vous mangez à la table des gens plutôt populaires ou à la table de Tristan? Moi, je suis apprécié de tous, d'accord? Attention, peut-être que je suis apprécié juste par... je ne sais pas, je suis apprécié de tous. Et, non, nous, on a une table, en tout cas, avec Babs, si tu es d'accord, c'est oui. C'était un peu du oui. club en fait. C'est ça, avec voilà. tout le restant du club enquête. Enfin, donc on est 4 ou 5. Hein. Vous êtes donc 3. Attends, je vais trouver quelqu'un oui, pour faire le 3e. Bouge pas. Non, mais t'inquiète, je sais qui c'est. Notamment un correspondant français qui ne parle pas anglais. C'est la table avec vous. Vous l'avez attrapé dans le couloir, vous lui dites, allez bien. Tu seras le trésorier. Voilà, le troisième du club, Marcus, qui est là, il vous attend. Hé, les copains, je vous ai gardé des places. Salut Marcus, ça va? Ouais. T'es au courant pour le Chris? Ouais, je sais, je pense que c'est les aliens. Hé, hey, Baker Street, comment tu vas? Baker Street! Allez, on va s'asseoir. Faut qu'on ait les places, faut qu'on soit bien placé, faut qu'on puisse voir ce qui se passe entre une des deux dans la cantine. Radar activé. Je suis prête à enregistrer toutes les données. Et ben d'ailleurs, je vais vous reparler, parce qu'on a parlé des échecs tout à l'heure, mais après tout ce magnifique drama de Trevor qui ne voulait pas baisser la tête et qui s'est fait soutenir par tout le monde, bravo l'esprit d'équipe, j'ai oublié de resituer ceux qui avaient réussi. Donc à part Ted et Trevor, tous les autres, et Diana particulièrement bien. Babs, Tristian, vous avez entendu parler de Jean qui ont eu aussi des personnes dans leur famille qui sont parties pendant la nuit. On a surtout entendu parler du père de Chris, parce que c'est un des joueurs vedettes de l'équipe de foot, mais ça n'a pas l'air d'être le seul. Diana, toi, de ton côté, tu as vraiment fait le lien. Il y en a plusieurs qui sont partis cette nuit. Et comme une petite épidémie, il y a 5, 6, 7 qui ont eu, certains leur père, d'autres leur mère, d'autres leur grand-père, leur grand-mère, mais des gens de leur famille qui sont partis la veille et qui ne sont pas revenus. Du coup, parenthèse méta, mais est-ce que on connaît ces informations de prime abord ? Du coup, la disparition du père de Chris devrait plus nous inquiéter et nous mettre la puce à l'oreille, on est d'accord. Oui, vous n'en êtes pas au même niveau que ce qu'a pu entendre Diana, bien sûr, mais vous aussi, vous en avez entendu au moins une personne de plus qui est dans le même cas que Chris. Et là, j'ai dit à Marcus, c'est quand même bizarre, quoi. C'est pas la première disparition récente, si tu vois ce que je veux dire, Marcus. À part les aliens, t'as une piste ? Mais tu veux que ce soit qui ? Je sais pas, peut-être une agence gouvernementale. T'es toujours à déconner, Tristan. Ça existe pas, ça. C'est vrai, je suis bête. Excuse-moi. Mais en tout cas, ça me fait bien flipper. De quoi, les aliens ? Et j'ai vu que t'étais AFK, Babs, je parlais avec toi depuis tout à l'heure. Elle était en train de rêver. Et du coup, je lui donne un coucou dans ma tête. Babs, t'es en train de baver là. Babs. Effectivement, tu la vois, elle est avec son plateau devant, mais vous écoutez absolument pas. Babs, t'en dis quoi si on arrive à retrouver le père de Chris ? Est-ce que tu penses pas que tu seras dans ces petits papiers ? Oui, il faut faire ça. Oui, bien sûr, on s'y met. Moi, je pense. Marcus ? Oui. Marcus, ok. Oui, Marcus, oui. T'écouteras les fréquences radio ? Oui, d'accord, oui. J'ai réussi à me brancher sur les téléphones l'autre jour. Oui, je sais que c'est ta spécialité, tout ça. Donc, il faut que t'écoutes pour voir si les gens qui ont disparu, tout ça, un petit peu. Ouais, il faut que tu fouines et puis nous, on va faire ce qu'on sait faire. On va aller sourire, on va aller serrer des mains, on va se montrer sympa et on va récolter des tas d'infos. Vous êtes trop fort. Ouais. Et j'ai vu, vous avez parlé avec Diana. Oh, Diana, elle est trop bien, Diana. Et vous pourriez me la présenter, Diana? Bah, je pourrais te la présenter facilement, c'est un peu ma besta, tu sais. J'aimerais trop être elle. Mais bah, c'était très bien comme t'es. Regarde. Quand elle est en haut de la pyramide, là, tu sais, on dirait Pamela Anderson, quoi. Une déesse. Ouais, elle est trop belle. Et vous croyez que la pyramide, c'est pour les aliens ? Est-ce que ce ne serait pas les Illuminati, Marcus ? Il y a des chances. Il y a des chances. Les triangles, le triangle des Bermudes, les Illuminati. Je pense que tu es sur une piste, Marcus. Ouais, je vais creuser le sujet, ouais. Si tu veux, tu creuses ce sujet. Et nous, on creuse le sujet du père de Chris. Parce que just do an assassin. Bon. Et Trevor, tu vas manger où, toi ? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, Vera. Il y a une soirée qui est prévue, j'ai entendu. Après le match. Oh, chez qui ? Ça, j'ai pas entendu. C'est sur l'île ? Vous savez, des fois sur l'île, il paraît qu'il y a des gens qui viennent. Ils viennent pas de la ville, on sait pas qui c'est. Je pense que c'est les extraterrestres. les extraterrestres en roulotte avec des petits chapeaux là, mais ça peut être des Amish. Ils vont pas sur l'île, les Amish, ils ont que des roulottes. Attends, tu veux dire l'île au milieu du lac là? Attends, Oui. Excuse-moi, j'aime pas trop parler du lac. Je vois. David Vincent les a vus, les roulottes volantes. Bah si tu veux Marcus, on peut aller à la soirée ce soir et tout, et on regardera les aliens ensemble. Ouais, ok. Et vous pouvez me présenter Diana? Ouais, bien sûr, on présentera Diana, c'est ma besta. Cool. Ouais. Mais tu lui parles pas d'alien, hein, parce que elle sait pas la vérité encore, d'accord? T'inquiète. C'est trop tôt, elle est pas prête, Diana. Elle a pas encore avalé la pilule, elle, tu vois. Je vais vous laisser avec vos aliens et je vais passer en premier sur Ted et Diana. Vous êtes à la même table, étant donné que là, c'est repas d'avant-match. Il y a toutes les pom-pom girls et tous les joueurs qui sont là. Vous sentez Chris un peu ailleurs? Je suis assis à côté de Chris et j'essaye de faire un récap de la stratégie de notre match. Alors, je voudrais bien le faire RP, mais j'ai pas assez de connaissances théoriques sur le football américain pour ça. Mais en gros, j'essaye d'établir des lignes de stratégie, d'avoir une façon de jouer un peu offensive pour intimider l'équipe. Comment s'appelle l'équipe adverse? À vous de me le dire. Ça serait les bulldogs. Donc voilà, en fait j'ai un petit carnet que je pose à côté de mon plateau de bouffe et où j'ai dessiné un peu vite fait les lignes du stade. Et je dis alors là voilà, Chris tu m'écoutes? Voilà. Donc tu vois, moi je pense que tu devrais prendre le quarterback des bulldogs là comme ça en tenaille et tu le fais avec James. Tu m'écoutes James aussi? Ok, et là vous les prenez en tenaille, comme ça vous libérez l'espace pour nous, pour qu'on puisse traverser tout le terrain avec le ballon. Notre meilleure chance de faire des touchdowns. Ça vous va? Ok. Je vais vous demander à tous les deux, Ted, Diana, un petit test de brain, difficulté 6. Non. Jamais gagné. Ok, Ted, tu es complètement concentré sur ta stratégie, ce qui fait que tu vas même salir ta tenue, tu vas devoir partir plus tôt à la fin de ce repas, parce qu'il va falloir que tu te trouves une tenue de rechange. Tandis que toi, Diana, tu as l'impression d'être observée, c'est assez dérangeant et en fait tu vas très vite le comprendre. Parce que en te retournant, il y a ce type qui est assis avec Babs et Tristian, qui est en train de te fixer de façon très très gênante. Je me retourne vers lui, il a l'air un peu genre, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Alors, au moment où tu te tournes, tu sais, il lève une main, mais il la lève pas franchement. Donc il a toujours le coude plié, il lève juste un peu la main et il bouge ses doigts et il te sourit. J'ai un sourire très crispé et je me penche vers, Marie qui est à côté de moi. Donc une autre cheerleader, ouais. Marie Moore, qui est ma meilleure amie dans les cheerleaders. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il arrête pas de me fixer. De quoi? Qui? Mais regarde, derrière! Avec Babs et Tristian, il arrête pas de me fixer. Non. Ça va pas être possible. Il me coupe l'appétit. Non mais je suis d'accord, mais c'est pas possible. Il faut aussi qu'il arrête de me fixer, c'est très dérangeant. Et tu veux qu'on fasse quoi? Jette lui un truc. Non, je vais pas lui jeter un truc quand même. Je risque... Enfin, non. On a d'autres soucis à la table. En plus, t'as vu Chris, il a l'air vraiment pas bien. Ah, je sais, c'est au sujet de son père. Je vais lui parler ce soir. Comment ça, ce soir? À la soirée. Ah. Non, parce que je sais qu'il t'intéresse. Hein. Et Ah, tu voulais dire ce soir? Non. J'ai cru que tu m'avais pas raconté certaines choses. Elle va attraper une frite sur son plateau et la jeter sur Marcus. Je lui attrape un peu le poignet et je fais non, quand même, Marie. Alors fais-moi un test de Brown sur combien? 5. Web. C'est mal barré ça. Alors, tu captes son mouvement, mais au dernier moment, donc tu essayes d'attraper sa main. Ce qui fait qu'au final, ça donne littéralement l'impression que c'est toi qui as lancé cette frite, qui va arriver juste en pleine tronche de Marcus, Tristian et Babs. Vous voyez ça? Pour vous, c'est Diana qui a envoyé ça. Quoi? Et on se retourne et je vois Diana et je fais « Marcus, je crois que tu lui as tapé dans l'œil. » Elle m'a donné une frite. Vous croyez que c'est un message? Ça porte bonheur, tu sais que les frites c'est une denrée rare à la cantine, mon gars. Hein. Hey, Diana, viens à la table si tu veux. Non. Oh putain, qu'ils sont cons. Diana! C'est pas possible, Tristan qui s'y met maintenant. Marcus a dit qu'il avait du ketchup pour toi. Allez, Marcus. Je l'ignore. Et tu vas voir Marcus qui est toujours, il est retourné sur son banc, qui te regarde. Et tout en souriant, il est en train de manger la frite. Ok. Je me penche à nouveau vers moi et je fais mais quelle horreur, c'est pas possible. Ah non, c'est bon. Je m'en vais moi. Je peux pas rester là devant ce spectacle. Elle va poser son plateau et elle va commencer à se barrer. Mais sans déconner, mais sérieux Marcus, mais tiens-toi quoi. Après, on passe pour des bouffons. Je te dis pas la réputation. Après qu'on a, après qu'on tourne commencé. Après, Chris, il va plein de morts. Marcus, je suis désolé. Tu t'es quand même pas obligé de la manger, Marcus. T'aurais pu la conserver dans ta poche, non? Sans souvenir. Oh merde, c'est vrai? Bah oui. On crache là. Il en a encore un petit bout dans les doigts. Je vais le garder. Bah oui, tu la plastifies, tu la mets dans ton portefeuille, voilà. Bref, écoutez, le club, il faut être un peu plus sérieux. C'est pas comme ça qu'on va gagner des supporters, en tout cas des adorateurs, ou je ne sais quel terme. Il faut trouver du monde aussi. 3 enquêteurs, c'est pas assez pour cette ville, d'accord? Marcus, il faut que tu te sois un peu présentable aussi au lycée, d'accord? Bah, ouais. je fais ce que je veux. J'en peux pas tout cette... être comme toi, Tristan. Ça prend. Je suis un... Non. Écoute, on peut pas tous être comme moi, c'est vrai. Mais on peut pas tous être tous comme toi, Marcus. C'est à ta force. Ne t'inquiète pas. Regarde-le, il a sa petite tête baissée. Il souffre, ça me fait trop de peine. Et Trevor ? Tu t'es fait assez discret, mais tu es assis pas très loin de cette table d'Hurluberlu. Ben, je me suis pas joint à eux parce que autant je m'entends bien avec Tristian et avec Babs, autant je pense que je peux pas encaisser Marcus. Et donc, j'ai pas l'intention de m'embrouiller avec lui, mais le supportant pas, quand il est là, je préfère pas trop m'asseoir à la table parce qu'il a tendance à m'agacer. Tout simplement parce qu'un jour, je portais un t-shirt du groupe Boston, qui n'est pas un groupe de métal, mais qui reste un groupe de rock, sur lequel il y avait une soucoupe volante. Et il m'a pris la tête pendant des heures pour m'expliquer qu'il y avait probablement des messages cachés à l'intérieur des paroles. Et depuis, je ne peux plus vraiment l'encadrer. Donc je regarde ça, je le fixe... alors qu'il est en train de mâchouiller sa frite en souriant, et je secoue la tête, atterré par son comportement. Ok. Au bout d'un moment, il va se lever. Ah, vas-y, dis-moi. Est-ce que je peux essayer de parler à Chris ? Ah oui, bien sûr. S'il est où sur la table par rapport à moi ? Il est en face Eh ben, comme tu préfères, en fait. J'imagine que je m'étais mise en face de Ted. Donc, il est en face de Marie, mais j'essaye quand même... Je pose un peu gentiment ma main sur son avant-bras, parce que je vois qu'il mange pas. Et je dis, Chris, tu devrais quand même avaler quelque chose, parce que le match il risque d'être un peu violent si t'as rien mangé. Ouais. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Tu sais bien, je vais assurer. Vous en faites pas pour cette histoire. C'est rien. Pas la peine d'en faire tout un drame. Si ça se trouve, il va revenir ce soir, il sera là, il y a eu un truc. C'est rien. Oui. Je l'espère vraiment pour toi, mais vraiment, mange. Et tu sais que si tu peux pas jouer, Ted, il y verra aucun inconvénient si t'as pas la tête à ça. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Difficulté 4. Oui, il m'a déjà dit. C'est bon. Mais je vais jouer. Je vais assurer. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon courage. Et ça ira. Je suis sûr que ton père va revenir et ça va aller. Ouais, Chris. Y a besoin, on sera là pour toi. Ouais, mais ça va. Je vais juste aller m'isoler un petit peu là. J'aimerais juste penser à autre chose là. Et comme tout le monde parle que de ça là depuis ce matin, Bah, tu veux qu'on aille s'échanger quelques ballons sur le terrain avant que ça commence? Ouais, on va faire ça. Ouais, allez, va, viens. Je commence à me préparer pour quitter le self. Trevor, toi qui regardais un petit peu tout ce petit monde comme un observateur neutre, tu vas voir Marcus qui va se lever, il a l'air d'avoir fini de manger, et il va aller directement vers toi. Ok. Salut, Trevor. Je m'arrête de mâcher, je fixe. Craignant qu'il approche trop. Il s'assoit pas, hein, oui. Il a son plateau dans les mains, il est debout près de la table. T'as vu ce dont on a parlé là, la dernière fois là, par rapport au groupe? Alors je regarde autour de moi voir s'il y a beaucoup de monde qui voit qu'il est en train de me parler, parce que j'aime pas du tout l'image que ça donne de moi. Ah bah, y a Babs, Tristian, ça c'est certain. Sans doute Diana qui jette des coups d'œil, parce qu'avoir cette présence par-dessus son épaule, c'est pas si facile de s'en débarrasser. Ah mec, tu vas pas encore mettre le couvert avec ça? Je t'ai dit que c'était juste un t-shirt, un groupe, et puis... Enfin voilà quoi. Tu devrais te détendre un peu, Marcus. Ouais, non, garde mais la frite. C'est pas ça, c'est... Il paraît. J'ai lu quelque part qu'on pouvait écouter les disques à l'envers et il y avait des messages. Tu vas surtout t'éclater les oreilles si tu t'amuses à faire ça au casque, mon gars. Non. Il y a vraiment des messages satanistes. Ah ouais, carrément. Et qu'est-ce que t'as entendu de sataniste quand t'as fait ça? Ah, moi j'ai pas fait. Moi, c'est juste, je l'ai lu. Bah écoute-moi bien, Marcus, je pense que c'est une piste sérieuse que t'as. Ce que je te propose, c'est que le week-end prochain, t'ailles voir Scotch et le disquaire. Et puis que tu lui parles de tout ça, je suis sûr qu'il sera super intéressé. Ah ouais? Ouais, sûr, ouais. Ah, t'es trop passé une bonne journée. T'es trop cool, Trevor. Ouais, de rien, ça me fait plaisir. Ah, quand vous parlez tous les deux comme ça, moi j'adore cette bande d'amis, vous savez. Tu as Tristian qui est venu s'asseoir à ta table, du coup, Trevor. Est-ce que Marcus est toujours là ou il a... Pour le moment, il est toujours juste debout à côté de la table et il vous regarde bêtement. Ok. Babs est restée seule, elle a le regard dans le vide, dans la direction où Chris est parti. Marcus, est-ce que tu peux aller voir juste plus loin? Faut que je parle avec Trevor, s'il te plaît. Et pourquoi? C'est parce que... Bah écoute, c'est un secret. Et vu que tu es un détective en mystère, tu vas devoir découvrir quel est le secret. Fais-moi un test de charme, difficulté 3. Ok. Ok, Tristan, on se voit plus tard. Merci. Salut, Marcus. Faut pas lui en vouloir, Trevor. Il est un peu concentré sur ses passions, c'est tout. Okay. Ouais. Eh, enfin bon, mec. Votre club, c'est super sympa. Les enquêtes, machin. Mais pourquoi vous traînez avec un boulet pareil? Ça a pas l'air d'être le plus fin limier, en attendant. Peut-être pas le plus fin limier, mais tu sais ce qu'on dit. Même le TKL à Paul Dur qui n'arrive pas à chasser le sanglier peut peut-être trouver une bonne piste un jour. Ouais, mais en attendant, à part remuer la queue, ce TKL-là, il fait pas grand-chose, à mon avis. Non, mais... Ah si, c'est faire des choses, hein, tu sais, c'est faire des choses. Et puis, on peut pas... Moi, j'ai pas le cœur de le laisser. Il est moche, le pauvre, et tout, il a pas d'amis, tout ça, ça me fait de la peine. Non, c'est un copain, écoute... Bon, il a ses qualités, je te jure, Trevor, il a ses qualités, quoi. Et puis même, je suis un peu fatigué de cette... Je sais pas, tout le temps juger tout le monde. Pas toi, Trevor, mais le lycée, tu vois, ça nous brise un peu, je trouve. Non, on sent pas nous-mêmes et faut qu'on se lâche un peu plus, tu vois. Faut pas qu'on se stresse par rapport à l'image qu'on renvoie. Tu vas être quoi, comme peut-être Connor qui bouge pas de sa chaise, qui est beaucoup trop sérieux. Tu vas être comme lui, c'est ça? Beau gosse et tout huilé. Attends, je me perds un peu. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est on n'est pas obligé de, voilà, d'être... on n'est pas obligé, voilà, de renvoyer toute ton image belle et propre. C'est pas grave tout ce qui se passe ici maintenant au lycée. La vie est belle. Ouais, en attendant, c'est pas toi que Marcus a tenu la jambe pendant une heure sur ses conneries d'alien. Non, mais moi, il me l'a tenu pendant 3 heures sur d'autres conneries d'alien aussi, tu vois. Mais... Je peux pas lui en vouloir, ça se trouve, il a personne à qui en parler et ça lui fait du bien aussi, tu vois. Comme moi, j'avais personne à qui parler de la disparition de ma mère et Babs était là pour moi et. Tu vois? On est là les uns pour les autres, tu sais. C'est vachement important, Trevor. Et Trevor, si t'as besoin de discuter d'un truc, on est là aussi pour toi. Ma vie. Ouais, chez merci. Ouais, c'est cool. Bon, ben, j'essaierai d'être peut-être un peu moins dur avec Marcus. Ouais, merci, Trevor. C'est super adorable de ta part. Vraiment, t'as un grand cœur aussi. Merci, Trevor. Tu vois, il y a un seul défaut que je trouve chez toi, c'est que tu n'aimes pas Kiss. Ça me fait du mal. Mais, j'accepte ce défaut. Ah, mais bon, tu vois, moi, les mecs qui se maquillent, c'est pas trop mon kiff. Eh ben écoute, je vais te faire découvrir un petit groupe qui s'appelle Venom. Mon gars, pas piquer les hannetons. C'est du black metal. Ça arrive de la scène un peu plus underground. Et tu verras que le maquillage, ça ne fait pas tout. Ouais, moi c'est la voix qui compte et puis la puissance des grattes. Et je me mets à faire un peu de air guitare. Ouais, Trevor Van Halen. Diana, tu as vu donc Ted Connor partir avec Chris. Le reste de l'équipe de foot a pas tardé à suivre. Derrière toi, maintenant, Marcus a l'air d'être parti. Mais il y a un Trevor qui fait de la air guitare avec un Tristan qui secoue la tête à côté. Qu'est-ce que tu fais? Je lève les yeux au ciel. Je lui fais un petit sourire gêné. Je lui rends son sourire gêné. Et tous les autres de ma table sont partis ou il reste encore Et il reste les pop-up girls. Ok, bah du coup je prends le lead avec les pom-pom girls et je fais bon les filles, il reste un peu de temps avant la reprise des cours, on va s'entraîner. Elles vont te suivre sans aucun problème, vous allez pouvoir partir vous entraîner. Et à moins que là encore une fois vous ayez une envie de RP particulière, eh bien le match va pouvoir commencer. Pas pour moi. Est-ce que j'ai le temps avant le match d'aller chercher dans les gradins s'il y a la secrétaire de mon père? Ah, tu vas voir qu'il y a... Il y a déjà beaucoup de monde quand tu sors et que tu es enfin en tenue préparée et tout, mais tu vas finir par la repérer, oui, effectivement. J'essaye de me glisser entre les rangées pour aller jusqu'à elle. Tu vas pas y arriver super facilement, mais tu vas y arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là qui vont vouloir te saluer. Ah, Ted, ça va? Ah, ben, on espère que vous allez gagner. Ouais. Mais tu vas finir par y arriver. Merci à tout le monde. Puis je passe vraiment en ayant des signes de tête à ceux qui m'alpaguent pour pas donner des grands vents, quoi, parce que je sais que la motivation de l'équipe, elle passe aussi par le public, donc je veux toujours donner une bonne impression. Puis je finis par me glisser jusqu'à la secrétaire. Est-ce qu'elle a un nom? Eh ben écoute, j'étais en train de chercher dans mes PNJ à voir si. Si j'avais quelqu'un qui pourrait convenir, mais là, comme ça, à première vue, je vais pas avoir ça. Non. Donc, elle a le nom que tu veux. Eh ben, Linda. Je vais suivre la suggestion de Babs. Et elle va s'appeler Linda, je sais pas moi. J'en sais rien. Allez, Linda tout court. Et pour l'instant, ça ira très bien. Linda, puis je lui fais signe et je me rapproche d'elle. Vous allez bien? Ah, Ted, votre père m'a demandé de venir. Tout se passe bien pour l'équipe? Je sais, il m'a dit ce matin. Merci d'être venu. Vous aimez le foot? Non, ça fait partie de mes attributions d'obéir à ce qu'on me demande de faire. Je me doutais un petit peu. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire et je pense que ce serait gagnant-gagnant. Attendez, il y a un discours de prévu, quelque chose? Un discours? Qui veut faire un discours? Pour le capitaine de l'équipe, est-ce qu'il y a un discours de prévu? Non, moi on me demande juste de taper dans un ballon, on me demande pas de parler dans un micro. Hein. D'accord, s'il y a un moment particulier où possiblement vous devriez prendre la parole, ce serait bien de rappeler à quel point votre père a été quelqu'un d'important dans votre vie et dans ce qui vous a amené ici. Les élections sont dans pas très longtemps. Je ferai en sorte de pas oublier. Mais écoutez, Linda, je vous propose un deal. Je sais comment vous faire éviter de regarder le match de foot et de vous faire gagner du temps à faire quelque chose de peut-être un petit peu plus important. Vous ne m'avez pas compris. Regarder des ados taper dans un ballon. Je ne suis pas payé pour regarder le match de foot. Je suis payé juste pour me montrer au match de foot. Écoutez-moi, mon pote Chris qui est dans l'équipe là, qui va jouer avec moi tout à l'heure, son père est pas revenu du boulot hier soir et apparemment c'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça et je pense que ça serait pas mal de que vous puissiez rentrer à la mairie et de voir s'il est possible de mobiliser des forces de police ou quoi que ce soit pour faire un petit peu la lumière sur cette affaire, parce qu'apparemment c'est d'après Chris c'est vraiment inquiétant. Et puis si vous faites ça, bah peut-être que je penserai à toucher un petit mot pour mon père au moment du discours de la victoire. Vous en pensez quoi? Tu vas me faire un petit test de charme, difficulté 10. Oh ouais, non mais... Écoute, moi je croyais en toi depuis le début. Elle hausse un sourcil, et puis elle va noter quelque chose dans son calepin. Écoutez, Ted, je ne fais pas ça pour vous rendre un service ou quoi que ce soit, mais j'ai eu vent d'autres sujets similaires de toute façon. Il va falloir que la police s'y mette plus rapidement que prévu. Donc, comment ça, des affaires similaires? D'autres gens ont disparu? Apparemment, certaines personnes, je suppose qu'il a... Il y avait un événement quelconque, je ne sais pas. En tout cas, plusieurs personnes ne sont pas rentrées. Disparu est un bien grand mot. Les gens ne disparaissent pas à Wilsden. Alors, raison de plus pour que vous n'assistiez pas au match et que vous fassiez la lumière sur cette histoire, Linda. Votre père fera ce qu'il y a à faire. Je suis là pour montrer aux braves gens de Wilsden que monsieur le maire s'intéresse aussi à la communauté. Et je suis sûre qu'il n'en doute pas. Maintenant, si vous permettez, j'ai un match à gagner. Et puis je la salue avec un sourire un peu hypocrite. Mais peut-être de l'extérieur, si on me regarde, on doit penser peut-être que je sais pas, que je suis sympa. Et je vais rejoindre le vestiaire. Je repars en direction du vestiaire en saluant, en continuant à saluer ceux qui me disent bonjour ou qui m'appellent ou quoi. Ça marche. Alors là, le match va pouvoir commencer en pleine effervescence. Si on sait où vont se trouver Ted Connor et Diana Newmark, étant donné qu'ils seront tous les deux sur le terrain, j'aimerais savoir où se trouvent Trevor, Babs et Tristian. Alors, Babs dans les gradins, à la meilleure place, qui doit être toujours à peu près la même place, pour bien voir le poste de Chris. Et moi, je propose à Trevor pour savoir s'il veut pas qu'on se pose sous les gradins pour qu'on aille fumer une petite cigarette mentholée ou un truc à la con. Ouais, ça me semble parfait. Un truc où on va pouvoir un peu se foutre de la gueule des sportifs qui sont sur le terrain. Ouais, ça nous concerne pas vraiment, on n'est pas à notre place et puis j'ai pas envie d'assister à ça. Enfin, si toutes les semaines il y a ça, on s'en fiche un peu au bout d'un moment. Ouais, exactement. C'est très bien. Ok. Alors, je vais demander à Babs, parce que non, je n'ai pas prévu de système pour jouer un match de foot, mais il va y avoir quelques jets. Pour Babs, ce sera un jet de... Oui. Parce que tu encourages toi aussi, j'imagine. Tu ah mais complètement, mais complètement. Ok. Donc pour Babs, comme pour Diana, parce que Diana va essayer de motiver les troupes, bien entendu, je vais demander un petit jet de charme, difficulté 6. Diana, tu peux te mettre un plus 2, étant donné que tu es avec ton équipe de pom-pom girl. Ok, donc c'est dans la valeur, ouais, le petit machin ça, ouais, qui apparaît après. Exactement. Je tiens juste à dire que Babs n'est pas hyper démonstrateur. Quand elle encourage, mais pas au point de se faire remarquer parce qu'elle n'a pas envie que les gens en déduisent qu'elle est en train de regarder Chris et qu'elle crie plus fort que les autres parce qu'elle aurait éventuellement des sentiments pour lui. Mais en même temps, voilà quoi, c'est... Elle ne veut pas non plus qu'il la voie pour pas qu'il comprenne qu'elle crush sur lui et qu'il sache, mais donc elle encourage quand même parce que c'est au fond de son cœur, voilà. C'est compliqué d'avoir 16 ans, ok. Allez, tape sur tes bouteilles vides. Voilà, exactement. Alors, Babs, tu passes relativement inaperçu. Hein. Clairement, il y a les gens autour de toi qui te regardent un petit peu de façon étrange parce que tu y mets vraiment tout ton cœur. Hein, donc, tu y vas. Mais au milieu de la foule, comme ça, ça passe inaperçu. Et surtout, Diana nous fait un show de pom-pom girl, mais vraiment impressionnant. Diana, tu peux nous dire comment tu diriges un petit peu tes troupes, mais là, c'est on ne voit que les pom-pom girls au départ. Hein. Même les joueurs passent au second plan. Ah bah, j'avais promis à Ted qu'on allait tout donner. On donne tout. En fait, j'ai pas particulièrement besoin de diriger parce que j'ai tellement entraîné tout le monde pour qu'on soit au top qu'elles savent toutes ce qu'elles doivent faire. Quand. Et du coup, c'est vraiment de la choré très millimétrée, comme on peut voir sur certains matchs, avec grosse figure, pyramide. Alors vraiment, il y a la totale, quoi. Et ça se déroule à la perfection, même au moment où tu nous fais cette pyramide. Tu arrives en haut, tu lèves les bras et tu vois qu'il y a Marcus qui a toujours le bras levé et qui te fait un petit coucou dans un des gradins. Même ça n'arrive pas à te perturber. Je ne lui rends évidemment pas son coucou. Étonnant. Je l'ignore. Mais ouais, c'est... Je suis fière en tout cas de mon équipe. Et grâce à cette réussite, Ted, Tu vas pouvoir nous faire un petit test, toi aussi, pour voir un petit peu comment le match va se dérouler. Donc, un test de Brown. Et tu peux te mettre un plus 3. Non seulement vous êtes entraîné, tu as ton équipe, mais là, vous êtes boosté par les Pop-Pom Girls de façon impressionnante. Difficulté dans la 6. L'input value, je mets juste 3. Ouais. Ok. Vous allez gagner. C'est pas la plus belle victoire que vous ayez eue, mais vous restez relativement serein tout du long de la partie. Ça se passe très bien pour vous. Et c'est une victoire pour Wilsden. Est-ce qu'il y a un moment où tu trouves un petit mot quand tout le monde va acclamer, où tu parles des bienfaits qui ont fait de toi le garçon que tu es, d'être dans cette famille de Monsieur Connor ? Oui, je voudrais d'abord... Je parle au micro là, on est d'accord, hein ? Oui, vas-y. Oui, ok. Au mégaphone même. Tu sais, là, tout le monde arrive, tu as la foule autour, l'équipe perdante s'en va de façon plus discrète. C'est encore une victoire des Wildcats. On a montré ces Bulldogs qui étaient les vrais chats sauvages et on les a renvoyés à la niche. Et je voudrais dire que cette victoire, on la doit avant tout au travail d'équipe qu'on s'efforce de mener depuis des années qu'on joue ensemble avec les gars et je remercie aussi nos super cheerleaders pour la motivation qu'elles nous procurent grâce à leur super chorégraphie. Donc vraiment allez un petit coucou spécial à Diana qui entraîne super bien les filles et voilà, bravo les Wildcats. Quand il dit mon prénom, je soulève mon pompon un peu en mode de... pour montrer où je suis, plus ou moins. Je pousse un grand cri que je vais pas RP pour des raisons évidentes de voisinage, mais voilà, je célèbre la victoire. Et bien souvent, à la fin de ces matchs, dans la période de l'après-midi, généralement, vous avez que... des options ou ce genre de choses que vous avez choisi, et souvent au moment des matchs c'est annulé, mais bah, étonnamment le directeur du lycée a fait une demande spéciale pour que vous vous réunissiez dans le grand hall, donc tout le lycée va se réunir, enfin sauf si certains d'entre vous décident de sécher l'événement, étant donné que Trevor et Tristian, nous les avions laissés sous les bancs, tous les deux, dans l'ombre. Je donne un petit coup, hein, je lève un peu le menton vers Tristian, je lui demande, tu vas aller rejoindre les festivités ? Ouais, c'est peut-être un truc important, je sais pas. On peut y aller, rester en arrière, si on voit que c'est chiant, on se casse. Ouais, au pire, c'est assez facile, on fait ça. J'écrase ma cigarette à demi-fumée, vraiment, mais juste pour limite... je sais plus comment ça s'appelle quand tu ne fumes pas vraiment. Crapoter, ouais, limite crapoter et tout, j'écrase au sol et tout, et je vais vers le lycée. Et moi, avant de quitter les gradins, je teste un peu mon haleine, voir si on sent un peu l'odeur de clope ou pas. Vous allez t'inquiète donc, pas, c'est des mancolés. Tous vous retrouvez dans le hall. Je sais pas si chacun reste avec ses groupes, j'imagine. Les pom-pom girls avec les joueurs de foot et tout ça. Donc Babs, tu es avec Marcus. Avant que Tristian et Trevor vous rejoignent, bien entendu. Exact. Et le directeur va arriver. C'est quelqu'un d'assez froid, qui a le visage assez marqué. Généralement, les gens n'aiment pas trop s'y frotter. Et il va lever les deux mains pour rappeler un petit peu le silence. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre équipe de foot qui, encore une fois, a prouvé qu'elle savait se servir d'un ballon. Fais un petit signe de tête vers toi, Ted, et ton équipe. Je chauffe l'équipe pour qu'on pousse des cris de victoire. Et il ressecoue les mains pour calmer encore le jeu. Très bien, très bien. Et comme à l'accoutumée, nous ne ferons pas de cours cet après-midi, bien entendu. Le moment est aux réjouissances. Hein. Malgré tout, il me fallait vous réunir pour vous parler d'un nouveau membre de notre corps enseignant qui nous a rejoint aujourd'hui. Il devait être là ce matin, malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais peu importe, c'est un homme qui tiendra une place un petit peu particulière. Et il est vrai que de nos jours, les temps pour certains peuvent être un petit peu difficiles. Et donc nous avons eu la chance, grâce à des subventions octroyées grâce à Monsieur Connor, il te refait un signe de tête dans ta direction, tu sais qu'il parle de ton père. Nous avons la chance d'accueillir un psychologue qui sera avec nous pour le restant de l'année. Et il va se tourner et il y a quelqu'un qui va sortir de la foule et s'approcher. Et vous voyez cet homme qui ne dénote pas du tout à côté de votre directeur. Vous avez l'impression d'avoir plus des croque-morts qu'autre chose. Qui se tient à côté et qui vous salue. Je laisse Monsieur Renerbe se présenter. Et après, nous vous laisserons vaquer à vos occupations, bien entendu. Bonjour, jeunes gens. J'aimerais tout d'abord féliciter votre réussite du jour. Et vous rassurez, certes, je suis psychologue, je suis là pour vous aider, mais avant tout, j'aimerais que vous me voyiez comme un ami. Je ne vous convoquerai pas dans mon bureau, mais j'aimerais que vous vous sentiez libre d'y venir. Et même... je mets un point d'honneur à vous connaître chacun. Il pourrait arriver par moments que, alors que vous êtes en train de manger ou de passer dans les couloirs, je vienne vous voir comme un ami. Il sera temps de discuter. Et Trevor, je vais te demander un jet de brain difficulté 8, s'il te plaît. Ok. Les autres, vous pouvez me faire un jet de brain difficulté 11. Oui, c'est la règle des tokens. L'arrêt des tokens, c'est que tu les as à chaque fois que tu as fait un échec. Tu as un token, sauf pour ceux qui ont le trait easygoing, qui en ont deux, et que tu peux les utiliser pour gonfler ton score après avoir jeté le dé. Ah ok, d'accord. Ça peut servir pour... ça peut servir pour éviter des échecs critiques trop violents. Alors, on ne parle pas spécialement des échecs comme ceci, parce que bien sûr, tous n'entraîneront pas le même genre de problème, mais comme je vous l'ai dit à la session 0, la violence dans ce jeu devrait être une solution qu'on utilise en dernier car elle peut être très très grave. Donc parfois un échec critique peut être très problématique et des fois même si c'est pas pour arriver à une réussite, juste ne faire que ce soit pas un échec critique, c'est une bonne chose. Token. Tu as combien de tokens, Babs? Deux. Un token est posé, monsieur. Tu en utilises un? Je ne sais pas. Chaque token t'augmente d'un point. Chaque token t'augmente d'un point, ouais. Donc pour sortir de l'échec critique, j'en utilise un seul, c'est ça? Alors, vous êtes en échec critique à partir de moins 7. Oui. C'est que Diana, Barbara et Ted, vous êtes en échec critique normalement. Oui. Non, je ne sais pas compter. Ah, si, Barbara et Ted. Diana est juste au moins 7, ça va. Oui, donc moi, j'y serai quoi qu'il arrive. Je n'ai que 2 tokens, donc exactement. Autant les garder pour plus tard. Et voilà, bah pareil. Comme je vous l'ai dit, là, pour ce jet, de toute façon, certes, ce n'est pas très RP, mais pour ce jet, c'est pas un souci. C'est il va juste vous paraître très sympa. Voilà, il vous paraît relativement sympathique et professionnel. Ma mère dirait, il a du charme. Hein. Pour être fair play, Baron, j'ai dit que je posais 2 tokens pour arriver à 11, donc comme ça, j'aurais mes tokens et tout. Alors, Tristian, tu vas remarquer une chose, c'est qu'il a l'air de fixer son regard sur une personne et une seule. Pendant tout son discours, il regarde Trevor. Et Trevor, toi aussi tu l'as remarqué. Et il y a quelque chose de dérangeant encore plus pour toi. Tu saurais dire quoi, mais il a un air qui te rappelle quelque chose. Même si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Je le fixe et puis je fais pas trop attention à ce qui se passe autour. Je suis un peu perdu parce que ouais, je suis dérangé. Moi, je vois le mal-être du coup, de Trevor à côté de moi, quand on était ensemble. Et je me baisse un peu et je fixe encore le gars et tout. Et je lui demande s'il va bien. Ça va, Trevor ? Ouais, c'est juste que je sais pas, tu le trouves pas un peu bizarre, ce type ? Ah, j'ai l'impression qu'il t'arrête pas de te fixer. Puis, je sais pas, il ressemble à un croque-mort. Ouais, je pense que c'est le bon mot, ouais. Ouais, tu veux pas qu'on se casse ou je sais pas, je me sens pas bien, là. Viens, on va faire un tour. Je te repaye une cigarette si tu veux respirer un peu. Ouais, faisons ça, ouais. Puis je pars, je fais quelques mètres et puis je peux pas empêcher de me retourner et essayer de voir s'il continue de me fixer. Et il te fixe plus, il est en train de discuter avec des gens qui sont venus le voir et tout, et il sourit même, il a l'air content d'être là, mais de temps en temps il lève les yeux vers toi. Je détourne le regard et puis je m'éloigne avec Tristian de la foule. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire à cette école ou pas du tout ? Est-ce qu'on fait une réunion du club, les copains ? Écoute, moi je serais d'avis avec toi, Babs, de prendre une petite réunion et de prendre un peu de matos pour ce soir pour enquêter sur l'île aux extraterrestres. Très très bonne idée. Des lampes torches et tout, tu vois, des petites lampes torches et tout, à moins des choses comme ça, quoi. Au pire, ce sera toujours utile pour la soirée, puis comme ça, on pourra enquêter aussi de notre côté. Ok, pas de soucis. Marcus, lâche cette frite. C'est un morceau de frite, il a mis dans sa poche. On était dans un gymnase, hein, c'est ça ? Oui, là, vous étiez sorti, vous étiez changé. J'aimerais attraper Babs. Un peu dans la foule, de manière à ce que ce soit pas trop vu, quoi. Donc, je lui touche un peu l'épaule. Et je lui dis, sans trop la regarder, je lui dis, écoute, la disparition du père de Chris, je pense que c'est pas rien. Ça arrive, c'est pas la première fois. Il y a plein de gens qui ont disparu dans la ville. Oh, sérieux ? Mm-hmm. Je lance mes réseaux. Merci à toi. Merci beaucoup. Le match était beau. Hein. De rien, merci. Et je continue à avancer... Voilà, là. J'ai des étoiles dans les yeux, bien sûr, hein. Mes idoles. Ça marche. Est-ce que vous avez un local de votre club ? Officiellement, je ne pense pas. Je pense qu'on squatte peut-être. À toi de voir, Bat, comment tu le sens. Ouais. Je pense qu'on est plus là dans une classe ouverte. Oui. Tu vois, vraiment en mode. Oui. On a dit que c'était notre quartier général avec le plateau noir. On a mis, Wisden High Mysteries, tu vois. Ça vous dit tout au fond de la bibliothèque dans une réserve un peu puisque on sert des bouquins d'enquête policière, etc. Parfait pour moi, très très bonne idée. Trevor, est-ce que tu suis Tristian du coup quand il se rend à son club ou pas ? Ouais, parce que je me sens pas de rester tout seul, donc je vais l'accompagner. Là, je lui donne un petit coup de coude dans les côtes en mode tu t'inquiètes pour James ou c'est le gars chelou tout à l'heure qui. Comment il s'appelait, Herbert je sais plus comment déjà. Ouais, c'est rien. T'inquiète pas pour moi. Ok, excuse-moi, l'ami. Tu verras ce qu'on fait dans le club, c'est génial. Et alors que vous rendez tous les trois au club, au moment où vous ouvrez la porte, vous allez apercevoir qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. C'est Marcus. Ah, vous êtes là! J'ai prévu des trucs pour ce soir. Et il va vous sortir des petits chapeaux en aluminium. C'est au cas où il y a les aliens. Ça sert à quoi, Marcus? Et ça bloque les ondes. D'accord, mais tu sais, ce soir, je pense que les aliens, ils émettront pas d'ondes parce qu'ils veulent pas se faire remarquer. Ils ont aucun intérêt à se faire remarquer parmi la population. Et on sait très bien que les jeunes, les enfants, sont vachement plus sensibles à ce genre de perception que les adultes. Et c'est du coup, je prends le compteur Gégère ou... Je pense que pour ce soir, on aura plus besoin des tokis. Plus l'entorse toki. Ce soir, c'est un peu plus discret, non, quand même? Ouais, on va la jouer discret, Marcus. Et il y aura Diana, faut être discret, hein, si t'as envie de... Hein. D'accord qu'elle pense du bien de toi. Surtout que pour le compteur Gégère, on peut peut-être repasser le lendemain, peut-être, pour voir les résidus et tout, tu vois, donc t'embêtes pas là-dessus. Ouais, ok, ouais. Vous pensez que je devrais me changer? Oh, vu l'odeur, à vue de nez, je dirais ouais. Ouais. Je pense sincèrement, Marcus, que pour ce soir, si tu t'habilles un peu plus comme dans le style des autres et tout, les aliens te verront beaucoup moins. Donc si jamais tu es discret, bam, camouflage, on va dire en mode adolescent typique, tu vois. Et tu ne te feras pas voir et c'est parfait. Je pense sincèrement que c'est un bon plan. Ok. Merci, Tristan. Je vous laisse. Il faut que j'aille acheter des vêtements. Hein. Tu prends ton toki, hein, tu restes à disposition si jamais. Hein. Si t'as un problème, tu nous appelles. Ok. Tu sais t'en servir? Tu peux me montrer quand même, s'il te plaît? Alors, t'appuies là, okay. Tu parles, et quand t'as fini, tu dis terminé. Si tu dis pas terminé, on sait pas que t'as fini. Ah, mais ouais, j'essaie de m'en souvenir. Terminé. Là, je fais un clin d'œil. Ok. Et à peine sorti de la salle, tu vas entendre ton toki qui grésille. Oui, c'est Marcus. Terminé. Oui, Marcus, c'est terminé. Tu feras attention, ne va pas mettre trop ta moustache dedans, sinon on comprend pas, terminé. Excuse-moi, je vais retirer un peu ma moustache. Est-ce que tu m'entends mieux, Marcus? Terminé. Oui, je t'entends bien, terminé. Babs, tu nous entends bien? Terminé. Oui, allez, terminé, Marcus. Va mettre du déo et une nouvelle chemise, d'accord? Oui, je vais acheter des vêtements, terminé. Je crois qu'il y a un peu de friture sur la ligne. T'as pas dit terminé, terminé. Terminé. Allez, terminé, mais terminé, hein. Posez fini nous amuser, là. Oh, ça part à bas-joie, Trevor, le pauvre. Écoute, faut bien se détendre un peu. Il n'y a pas de souci. Après, je comprends, on n'est peut-être pas dans le mood et on va pas, voilà. On s'amuse un peu comme on peut aussi, tu nous connais. Ouais, ok. Tristan, s'il te plaît, je vais te demander un petit jet. Alors, sur quoi celui-là? Un jet de flight, s'il te plaît, difficulté 9. Est-ce que Tristan a des tokens? Non du tout, mais j'en gagne 2. Félicitations à toi. Mais tu n'as pas vu arriver, alors que Marcus était parti, la porte est restée ouverte. Et d'un seul coup, tu te fais attraper par l'oreille. Et derrière toi, il y a une vieille femme avec un fichu sur la tête. Elle tire fort. Madame Bataki, qu'est-ce que vous faites? Alors, petit garnement. Comme ça. Quoi? On laisse ses déchets par terre. Et là, elle lève et tu vois un mégot de cigarette mentholée. À moitié écrasé. Alors, vous n'avez aucune preuve que c'est à moi, parce que vous avez créé le test ADN. Deux, je refuse cet anachronisme. Madame, et ce n'est pas moi. Je t'ai vu sortir de sous les gradins. Ouais, c'était à moi, madame. Tristan, rien à voir là-dedans. Trevor, c'est pas à toi non plus, arrête. Vous étiez tous les deux en dessous. Si, madame Pataki, je vous jure, c'est... Oh, laissez-le tranquille. Vous voyez qu'avec la ganache qu'il a, elle n'est pas du genre à fumer des clopes. Vous allez regarder. Tous les deux venir avec moi. Et vous allez nettoyer tous les gradins. Sinon, nous irons voir monsieur le directeur. Et croyez-moi, il ne veut pas être dérangé en ce moment. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a d'autres déchets sous les gradins? J'ai dit sur les gradins. Sur les gradins, ouais, donc ça peut tomber sous les gradins. On est d'accord, merci, d'accord. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous nous avez juste vu sortir des gradins, et vous avez vu les détritus sous les gradins, et vous avez considéré que c'était nous. Ça ne tient pas du tout debout, ce que vous dites, madame. Pas de discussion. Madame, c'est pas sympa de nous appeler des détritus. C'est vraiment pas très sympa. On est jeune et pas propre, peut-être, mais quand même. Quand même, madame. Et puis même, les détritus ont pu tomber sous les escaliers, ça peut pas forcément être nous, c'est bon, quoi, madame. Je vais demander à un jet pour tous les deux. Choisissez lequel le fait. Mais il va me falloir un jet de charme. Difficulté 10. Alors moi, je serais plutôt pour que Tristan le lance, mais je veux bien lui donner l'aider avec un point d'adversité, en fait. Oui, effectivement. Quand tu aides quelqu'un, tu peux donner tes tokens d'adversité. Mais on va déjà voir le jet de Tristan, alors. Ouais, allez, on y va. Allez, on y va. Je mets deux tokens. Moi, je complète. Tu peux même en mettre qu'un, parce que si moi, comme j'ai loyal, si j'en donne un, ça vaut deux de bonus. Ok, je mets un token et on arrive à 10. Moi, je peux en donner aussi, sinon. Elle va j'ai de loyal. Toute façon, elle va lâcher l'oreille de Tristan. Bon, ça ira pour cette fois. Mais croyez-moi, je vous ai à l'œil. Lequel le bon? Non, c'est une blague, madame. Attaquez, c'est une blague. C'est une madame. Je recule, c'est une blague, d'accord? Fais-moi un jet de flight, difficulté 11. Oh, la balayette dans la gueule. Il te manque 2 points. As-tu des tokens? Je mérite cette blague. Je mérite de me recevoir une claque de Madame Pataki. Et effectivement, tu vas te prendre un bon taquet. C'est pas une claque directement, mais t'as un bon taquet là. Attention, jeune homme. L'insolence, c'était mérité. C'était l'insolence mérité, a son charme, mais ça aussi ses limites. Désolé, madame. Merci en tout cas de nous laisser. Merci à vous. Si je retrouve vos affreuses cigarettes, vous finirez comme mon ex-mari. C'est-à-dire? Dans le jardin? Ok, non, c'est une blague, madame Pataki. Fais-moi un test de flight. Difficulté 12. Parfait. Putain. Mais c'est mérité, hein. Je pense sincèrement être mort. Je gifle et coma direct. Alors? Je gifle et coup du lapin. Tu es à moins 11. Est-ce que tu veux mettre des tokens? Oui, j'ai 3 tokens que je place déjà. J'en ai gagné 2 au tour d'avant, il m'en restait 1. Donc 3 tokens, je serai du coup à 4 si jamais. Oui. Je peux te donner 2 tokens si tu veux. Et je serai du coup à 6. Si ça te va, Vera, je suis sincèrement désolé, c'est ma grande gueule. Oui, je te les donne. Attends, c'est mon meilleur ami. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu vas te prendre une méga gifle cette fois. Tu chancelles un petit peu, tu vas devoir te rattraper à la table derrière. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Je fais pas le fier. Elle plisse les yeux. Attention à vos paroles. Sinon, peut-être bien que le jardin sera une solution. Je sais plus quoi dire. Elle va quitter la pièce. Tais-toi, Tristan, tais-toi. Au revoir, Madame Pataki. Bonne journée. Ouais, mec, je vais bien essayer de t'aider, mais tu cherches la merde quand même. Tu joues à quoi? T'as vu les paluches de la maman? Ouais, non, mais je pense qu'elle a pas dû que planter des patates dans son jardin, si tu vois ce que je veux dire, mon Dieu. Oh, non, mais c'était une blague, c'est bon. Elle-même, elle a dit, comme mon mari, tu voulais dire quoi? Peut-être que j'apprenne à fermer ma gueule, t'as raison, mais oh là là. Mais t'es trop taquin, ça va te jouer des tours, regarde. Et des fois, des choses plus graves. Mais je voulais pas Trevor en prenne une pour ma gueule, c'est bon, moi. Ouais, c'est aucune... normal, t'es venu m'aider tout à l'heure, charge d'urgence, ouais. Quoi. Mais là, on pouvait s'en sortir sans en prendre dans la gueule, t'inquiète pas. Toujours compter sur la ruse, mon ami. Toujours. Ouais, bah apparemment, t'es pas le roi de la ruse, puisque t'as pris dans le puisque t'as pris dans le visage. Non, mais au moins, tu vois que je sais encaisser. Ah. Ah. J'essaie de sourire, mais ça me fait mal, j'ai la joue toute rouge et tout, j'ai les larmes aux yeux, je suis ok, c'est bon. Je vais rester un peu silencieux, d'accord. Eh, Babs, t'as pas un truc, je sais pas. Oui, oui, un glaçon, une glace à lui mettre sur le visage. Je vais aller mouiller. Écoute, je vais prendre un linge et mettre de l'eau dessus et on va essayer de calmer un peu les rougeurs. Est-ce que tu non, pas le t-shirt. De... d'accord. Donc je chope un truc et je mets de l'eau dessus pour pouvoir lui donner pour le rafraîchir et enlever. Voilà. Ah, merci. Ça marche. Ted, Diana, vous faites quoi, vous, après ce match? Je pense que je célèbre la victoire. Si on a quartier libre, je pense que j'éloigne l'équipe pour aller faire la fête. Donc on crie un petit peu dans les rues de Wilsden en mode un peu beauf et un peu victorieux, un peu... on fanfaronne, quoi. Est-ce que les pom-pom girls sont avec l'équipe? Oui, les pom-pom girls suivent, même si Diana commence à penser qu'il faut qu'elle rentre chez elle pour sortir son chien. Donc, en gros, selon le trajet de l'équipe, elle fait un petit détour par chez elle pour le sortir, puis pour se préparer aussi pour la soirée, parce qu'elle a pas particulièrement envie d'y aller dans sa tenue de pom-pom girl. Est-ce que tu emmènes ton chien à la soirée? Est-ce que tu récupères juste ton chien et puis après vous allez à la soirée et tu emmènes le chien ou pas? Oui, je l'emmène avec moi. Il est obéissant et il est... Ted, Diana, vous allez donc passer un petit peu de temps. J'imagine que vous allez prendre un milkshake au diner du coin ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un endroit où on a l'habitude de se réunir avec l'équipe et avec les cheerleaders. Et a fortiori, quand on vient de faire une belle victoire, donc on part tous en direction du diner pour prendre voilà, milkshake, banana split, etc. Et okay. pour célébrer un petit peu. Je vais vous demander, Diana et toi, un test de brain difficulté 6. Je vais utiliser un token, tiens. Ça marche. Ted, décidément, enchaîne les 1. C'est terrible. Oui. J'ai juste réussi à charmer la secrétaire depuis le début. Mais Ted Connors a peut-être des tokens. Et Ted Connors en a 2. 2 seulement avec les échecs que tu as fait? Dites donc. Non, attends. J'en ai oublié dans notre... Non, j'en ai 3. Je ferai un système pour la prochaine fois où je poserai des pions directement, comme ça vous aurez la visibilité de vos tokens à chaque fois, ce sera plus simple. Ok, j'en ai 3. Non, ce sera pas suffisant, donc de toute façon. Donc alors, Ted est à sa victoire. Il va rien voir. Par contre, et du coup j'en ai un 4e maintenant. Oui, Diana, tu vas voir que Chris a l'air un petit peu abattu, plus que ce qui devrait avoir l'air, bien entendu, mais ça c'est pas quelque chose de très étonnant vu la situation. Mais il a l'air de tâter quelque chose dans sa poche. Il a la veste de l'équipe de foot, bien sûr, et dans une des poches de son blazer, comme ça, il a toujours la main dedans, il joue avec quelque chose. Et il va partir jusqu'aux toilettes. Et en revenant, tu vois qu'il a les pupilles un peu plus dilatées, il a l'air un peu plus enjoué. Il est assis près de moi, j'imagine. Oui, il peut même être juste à côté de toi, finalement. Tu as une certaine zone de distance entre toi et Ted, peut-être, pour essayer de te montrer discrète. Oui. Du coup, je me penche un peu vers lui. J'essaye d'être un peu discrète pour pas que le reste, ceux qui sont autour, remarquent forcément. Et je lui dis, Chris, vraiment, tu penses que c'est... Enfin, je sais ce que t'as été faire aux toilettes, c'est pas bien. J'ai juste été aux toilettes, c'est bon, qu'est-ce que tu racontes ? Non, t'avais un truc dans ta poche. Qu'est-ce que t'as pris ? C'est rien, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois, mon œil, oui. Tu sais, c'est pas une solution hein, pour aller mieux. Mais je te dis vraiment, Diana, c'est pas la peine d'en faire une histoire, c'est vraiment pas ce que tu crois. C'est quoi alors ? Fais-moi un test de charme, difficulté 6. Oula. Attends, mais j'ai pas mis de plus ? Ah, tu n'as pas besoin, c'est les dés sont explosifs. Tu as fait un 20 sur ton D20, tu as 20 en charme, et ton deuxième dé fait 7, donc tu as fait 27. Ah, d'accord. D'accord. Ok, ça marche comme ça. Du coup, il reste un peu interloqué, il te regarde et il va se pencher vers toi. Et il va juste parler à l'oreille, mais très très près. Écoute, je veux pas en parler là tout de suite, mais t'as toujours été là pour moi, donc je te... À un moment, ce soir, quand il y aura moins de monde, je t'expliquerai. Ok, mais t'as intérêt à m'expliquer. Oui, bien sûr, t'inquiète. Du coup, je prends pour acquis le fait qu'il va m'expliquer et je le cuisine pas plus. Ah, tu l'as senti complètement sincère. Ok. Je l'appelle de l'autre côté de la pièce. Viens, on va aller parler avec James de comment vous avez rétamé les lignes défensives des Bulldogs là, puis les autres qui se marrent à côté. Et du coup, Chris va. Il hésite un moment et puis il va juste poser la main sur ton bras, Diana. T'inquiète, je t'en reparle ce soir. Et il va partir avec les autres. Ok, ok. Je laisse partir. Vous allez donc passer un certain temps comme ça. Et le soir de la fête va arriver. Trevor, est-ce que tu te prépares d'une façon particulière avant d'y aller ? Je sors mon blouson de cuir à patché. Je mets toujours un peu plus de produits dans mes cheveux. Et puis je pense que j'ai une espèce d'eau de Cologne, le truc que j'ai pu trouver au drugstore du coin et qui fait un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il fait viril, genre comme si j'avais acheté du Scorpio ou un truc comme ça, ou du Axe qui sent très très fort, et puis je m'en mets un peu dans le cou, en espérant peut-être que d'une manière ou d'une autre, je rencontrerai quelqu'un à qui ça va plaire. Okay. Et je m'assure que Eddie a tout ce qu'il faut pour la soirée parce que là je ne l'emmènerai pas avec moi. Ça marche. Donc Ted, toi, de ton côté, tu repasses chez toi pour te préparer ? Oui, je repasse chez moi pour reprendre une douche, même si j'en ai pris une après le match. Je m'apprête un peu, surtout les cheveux, je les tire un peu en arrière avec une sorte de gel un peu effet mouillé pour faire un peu la coupe à la Leonardo DiCaprio dans les années 90. Et je me rhabille, mais je reste plutôt simple et surtout, en fait, je veux pas faire vraiment de tenue de soirée. Je suis encore assez hypée par le match qui a eu, donc je remets ma veste d'équipe pour afficher les couleurs de Wilsden. Ouais, tu sais tes camarades feront de même de toute façon. Voilà, c'est ça. Pour qu'on ait un petit signe de reconnaissance, puis pour qu'on laisse un rappel absolument pas subtil de la victoire de l'après-midi. Donc voilà, en vrai, je fais plus un effort sur les cheveux que sur le reste. Et alors que tu es en train justement de faire ton effort sur tes cheveux, ça va tambouriner à la porte derrière. Oui, il y en a d'autres qui veulent se préparer pour la soirée. Meredith, c'est pas pour les secondes, hein, la soirée. Hein. Oh, arrête, tu sais bien qu'il y en aura plein des secondes. Bien sûr que j'y vais. Ouais, bah, deux secondes, j'ai pas terminé. Ou alors tu peux rentrer, sauf si tu dois te déshabiller, mais c'est juste pour que tu fasses tes cheveux, c'est bon. Et puis je lui ouvre la porte, je continue de me peigner. Et elle va ramener toutes ses affaires. Comment elle est habillée. Bah, toi de me le dire. Comment ta sœur s'habillerait dans ce genre de situation ? Bon, un petit peu dans le genre de la photo qui est affichée. Donc, je dirais, tu pourrais mettre un truc un peu plus festif quand même. T'as pas un haut à paillettes ou un truc comme ça ? Un haut à paillettes ? Quand même, enfin, c'est... Sérieusement, qu'est-ce que tu peux être ringard des fois ? Bah, je sais pas, ça pourrait être sympa. Enfin bon. Et t'as mis tout ton barda pour les cheveux. Ouais, bon, allez, laisse tomber, je termine. Je te laisse la salle de bain. Et voilà. Par contre, on n'y va pas ensemble. Hein. Moi, j'y vais avec l'équipe. Hein. Bah, même pas en rêve, je serais allé avec toi. Ouais, bah voilà, on est bien d'accord. Allez. Et puis, je lui ébouriffe gentiment la tête et je quitte la salle de bain. Non, tu l'entendras crier parce que tu viens de la décoiffer encore plus. Babs, est-ce que tu repasses chez toi pour te préparer ? Évidemment. Évidemment que je passe chez moi. Et j'espère qu'il y a ma mère pour pouvoir, ou ma grand-mère, pour pouvoir échanger quelques infos. Oui, tu vas les trouver là, bien sûr. Donc, je leur dis que nous avons gagné, tout ça. Et maman ? Maman ? Eh oui ? T'es au courant ? T'es au courant qu'il y a des disparitions dans la ville ? Oh, des disparitions, c'est un bien grand mot. Oui, j'en ai entendu parler, mais on ne peut pas parler de disparition comme ça au bout de quelques heures. Attends. En fait, il paraît qu'il y a plein de gens cette nuit qui ne sont pas rentrés chez eux. Oh, j'ai entendu. Le mari de la voisine, pouf, disparu. Oh. Et t'as une idée de ce qui leur est arrivé ou d'où ils sont allés, ces gens ? Oh, tous ces gens, non, mais le mari de la voisine, il est certainement retourné voir sa maîtresse. Ouais, ça, c'est sûr que t'as pas tort. Ça devait finir par arriver, toi et mamie, vous le dites depuis un moment, mais... Et là, il y a le père d'un copain qui a disparu et c'est le père de Chris. Ça me fait de la peine. Tu sais que j'aime bien Chris. Oh, son père finira par revenir. Ils sont comme tous les autres. Ils vont voir ailleurs un temps et ils finissent par revenir. Mais c'est que des hommes qui ont disparu ? Non, je crois pas. Mais c'est la même chose. Ils finiront par revenir. Ou alors des gens qui ont décidé de quitter la ville. Ouais, maman, tous la même nuit. Allez, maman, te fais pas prier. Je sais que t'as plein d'infos. Je sais que t'aimes ça. Je sais que t'es la meilleure. Fais-moi tu dois bien voir ton test idée. De charme, difficulté 5. Oh. Allez. Bon. Ok. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Mais ouais. J'ai entendu qu'il y avait eu des soucis à l'institut. Tu sais que tous les gens qui ont disparu travaillaient à l'institut. Oh. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Ma petite maman. Ma petite maman, mais comment t'es la meilleure et la plus forte et la plus intelligente. Ta-la-la. Je suis trop fière de toi. Allez, va, je lui fais un gros bisou sur la joue. Va te préparer, t'as une soirée ce soir. Oui. Est-ce que y a ma jupe courte kilt? Laquelle? Celle à carreaux rouge et noir. La rouge. Je crois que j'ai repassé du linge. Je crois que je l'ai vu passer dedans. Donc, elle doit être encore dans la panière. Elle n'est pas repassée? Oh, il faut que j'aille la repasser? Elle est juste pas rangée. T'inquiète pas. Ok. Oh, j'ai peur. Merci, maman. Merci, maman. J'ai demandé à ton merci, frère mamie, de ranger les affaires. T'en fais pas. Ok, je vous fais des bisous, je vais me préparer. Alors que tu te rends à l'endroit, je sais pas s'il y a une buanderie ou autre, le linge a été plié, tu vas entendre ton frère qui chantonne. Ouais. Et un bruit de... Je vais voir ce qu'il fait là, c'est suspicieux. Et tu vas trouver ton frère le nez dans la panière avec une grande paire de ciseaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un gros malade, hein. elles sont vachement mieux comme ça maintenant, hein. Et il se recule en même temps qu'il dit ça. Maman, il a encore fait n'importe quoi avec les ciseaux, il a déchiré le linge. Et il va... Il va partir en courant, en fait. Il va essayer de passer à côté de toi pour se barrer dans sa chambre en courant. Je lui mets un taquet sur la tête, hein. Une targette derrière la tête. Fais-moi un petit jet de fight, difficulté 5. Déjà, je te dis que c'est raté puisque j'ai qu'un des 4. Ça ne veut rien dire. Petite explosion. Et voilà. Oh. Est-ce que Barbara a des tokens? Qui ont été offerts à son meilleur ami Tristan? Non, elle n'en a plus. Salaud de Tristan. Non, parce que c'est offert de bon cœur. Alors, il va juste se pencher, en fait, et passer à côté de toi. Et en même temps, il t'envoie une claque dans le ventre, parce que c'est ce qu'il peut atteindre en passant. Ah, de toute façon, elle t'allait pas! Et il va partir et s'enfermer dans sa chambre. Attends, tu vas voir. Alors, le taquet dans le ventre a été amorti par le t-shirt de Chris, qui est toujours là, bien au chaud. Et là, je suis en train de réfléchir à où je vais pouvoir planquer mon t-shirt de Chris pour pas que mon frère le trouve. Tu remarqueras que la jupe que tu voulais mettre a été raccourcie de 5-6 cm. Je la prends en moitié en pleurs, je vais voir ma mère en disant « Maman, regarde ce qu'il a fait !» Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il a pris des ciseaux, il a déchiré tout le linge, il a coupé ma jupe. Bon, je vais avoir une discussion avec lui. T'en fais pas, t'as qu'à en mettre une autre. Je voulais mettre celle-là. Envoyez le pensionnat. Est-ce que tu veux qu'on la recouse? Tu crois avec un peu de dentelle noire par-dessus, ça fera genre. Ça se verra même pas. Ouais, je veux bien. Merci, maman. Et donc, pour ce soir, tu auras un style légèrement grunge avec ta jupe rapiécée. Ouais. C'est pas grave, je mettrai des Doc Martens et des collants noirs. Ça fera un petit côté un peu punky. Diana, de ton côté, tu te prépares comment, si ce n'est que tu vas chercher ton chien ? Je me prépare, je sors un petit peu. Au lycée, ils ont l'habitude de me voir soit avec l'uniforme, soit avec un jean et un t-shirt années 80, on va dire. Enfin. Année actuelle, du coup. Et, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, elle sort le grand jeu. Donc, j'ai même été choisir la robe sur internet, s'il vous plaît. Parce que c'est une soirée, qu'elle est contente. Elle a cette robe qui traîne depuis très longtemps. Elle lâche ses cheveux parce qu'elle a aussi toujours les cheveux attachés au lycée. Donc elle les lâche, elle les boucle un petit peu. Et elle s'apprête à partir avec son chien parce qu'elle a déjà fait des soirées avec et il est toujours sage, il lui obéit très très bien. Donc elle l'emmène tu avec... Tu vas voir ton papa qui est dans la cuisine, il a l'air fatigué, clairement. Ah, alors ça s'est bien passé le match ? Oui, oui, l'équipe a gagné. Ah, super, je suis content. Tu sors ce soir ? Ben oui, il y a une soirée, tu sais, après qu'on ait gagné. Ok. Tu fais attention. Hein. Mais oui, t'inquiète pas, ça va. Et vous allez et puis, où et puis j'emmène Cookie, si jamais il se passe quoi que ce soit. Le chien, il me défendra. Il y aurait du monde là-bas. Tu seras pas juste avec les garçons. Non, il y a tout le lycée qui vient. C'est bon, papa. Ok. Je m'inquiète, c'est tout, tu sais bien. Oui, bah c'est bon, ça va bien se passer. Tu rentres pas trop tard. Non, c'est quoi la permission? Je dois rentrer pas à quelle heure? Écoute, je serai pas là pour vérifier, faut que je retourne au travail, mais... Ce serait bien que tu sois ouais, rentré c'est ça, avant ouais, minuit. Au travail, et elle fait des guillemets avec ses doigts. Arrête, j'ai du travail. Il y a une situation là en ce moment, c'est particulier. Enfin bref, amuse-toi à ta soirée. Essaye d'être rentré avant minuit. Ouais. Oui, bah, j'ai ma montre de toute façon, je regarderai. Et s'il y a un souci, tu vas à une cabine et tu appelles ta mère. Mais oui, je sais. Ok. Et il va avoir un moment où il se lève, t'as l'impression qu'il va te faire un câlin, et puis il s'arrête, ça te crispe un petit peu, il se stoppe. Bon, allez, bonne soirée. Ouais, merci. Et je m'en vais. Je pense que j'ai déjà dit à ma mère que j'allais partir. Elle était déjà à l'étage. Elle s'est pas trop fait de soucis. Donc voilà. Ok. Tristian, quel est ton plus beau costume pour ce soir ? Eh bien, c'est très simple. Je suis dans un survêtement Adidas de couleur un peu rose. On met les petits plats dans les grands, hein, ce que je vois. Je mets les petits balles en grand avec une petite banane où j'ai mis, bien sûr, non pas de travers, comme la mode actuelle des années 2020, mais sur mon ventre plat. Donc, il y a ma banane dedans. J'ai mis, bien sûr, une petite lampe torche parce que je reste détective dans l'âme. Je sais que je vais aller sur l'île, surtout à travers le lac où ma mère est décédée. Donc, bien sûr, j'ai gominé mon mulet. J'ai un petit peu gominé ma moustache, mais un tout petit peu, jusqu'à qu'elle luise un peu sous la lune. On va dire. Et voilà, ce sera vraiment en mode full survêt. Tu vas avoir droit à ton père, hein, au moment où tu sors, qui se frotte les mains. Alors, champion, ça s'est bien passé? Écoute, ça s'est super bien passé. Le match était magnifique. L'action, le Ted Connor, quand il a... Bon, je vais pas te résumer, hein, ça t'intéresse peut-être pas le football, mais le ballon à un moment... Bon, bref, c'est pas grave. Les flyers, c'est bon, ouais. Si, ah, j'ai tout donné, mais c'est parti comme les petits pains. Je pense que tu m'en as pas assez donné. Oh, t'inquiète, la prochaine fois, j'en donnerai plus. Je pense. Hésite pas. Hein. T'es un peu rouge sur le coin de la joue, il t'arrive un truc? Tu sais comment c'est. T'es bagarré, toi. Voilà, j'ai essayé de défendre un pote. C'est bon, ouais. J'espère que tu leur as montré qui c'était le patron. Hein. Bah, je suis un garneur ou je suis pas un garneur? Mais carrément, ouais. Allez, papa. Et rentre pas trop tôt ce soir. Hein. Non, on va avec des potes sur l'île pour faire la fête et tout. Et... Encore une fois, hein, un garneur reste un garneur. Ouais, mais justement, parce que pour une fois, quand on va avoir un peu d'intimité avec ta mère. Avec ma belle-mère, tu veux dire. Ah, allez, tu sais bien, on y passe après. Oui, enfin, tu passes après. Oui, profitez-en bien, hein. Faites pas de choses que je ne ferai pas, comme on dit dans le métier. Hein. Et juste, s'il vous plaît, pas dans ma chambre. Oh non, on en a marre, là. On a marre de quoi? De ma chambre? Quoi? Non, j'ai rien dit. Allez, écoute, papa, salut. Je vais y aller, bonne soirée à vous deux. Je claque la porte et je suis en mode, putain, mais j'en ai marre. Vous allez donc tous rejoindre la soirée. Ça se trouve donc sur cette petite presqu'île que tout le monde appelle l'îlot. C'est pas la première fois que vous y rendez. Hein. Ça demande de prendre des petites barques. Comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de navettes qui se font, donc vous avez aucun souci à vous rendre là-bas. Christian, tu rejoins Babs. Et Trevor, tandis que Ted, Diana sont avec les gens un peu plus populaires. Il y a quelques feux qui ont été faits et vous allez voir qu'il y a quelques bouteilles de bière qui ont l'air de passer. Il y a des gens qui fument un petit peu, il y a autre chose que du tabac. Il y a quelques gros postes qui ont été posés, donc il y a de la musique aussi. La fête a l'air d'être bien partie, il commence à faire nuit déjà. Carrèche, il y a du monde. Je crois qu'il y a même des gens qui sont pas du lycée, non? C'est peut-être moi qui vois pas trop dans la nuit, mais il y a du monde, non? Mais ouais. Lui, c'est pas le frère de Sarah qui est ensemble? Il est à l'université maintenant, non? Je l'avais pas reconnu, il a... Ah, purée. À tous les coups, ils ont ramené plein d'alcool dans le coffre de la bagnole. Tu fais gaffe d'ailleurs, Babs. Hein. Tu vérifies bien ce qu'il y a dans ton verre. Hein. Ouais, je sais. T'inquiète pas. J'accepte de verre de personne à part toi. C'est très gentil. Comment vous Et Trevor, comportez... t'es chaud? Dites-moi comment vous comportez un petit peu de toute façon tous dans la soirée. Je vais commencer par Trevor. Bah moi, je suis avec mes amis, je pense que je peux m'amuser. J'enquille les bières jusqu'à être un peu pompette. Puis dès que je suis un peu pompette, je commence à vouloir chanter mal. Ok, très bien. Ted, de ton côté? Je prends juste une bière, histoire de me détendre un petit peu, mais je garde un œil sur mon équipe parce que... Alors, autant je suis cool sur plein de trucs, mais j'aime pas trop l'idée qu'on puisse... fumer autre chose que du tabac parce que j'aime avoir une équipe qui soit un peu au taquet et qui ait des réflexes qui donnent une bonne image, donc je surveille ça. Je préfère qu'ils se tiennent à carreau là-dessus, mais j'essaye aussi de me détendre un maximum et je rigole pas mal avec les garçons. Ça marche. Est-ce que ce serait pas un trait commun entre le père et le fils, vouloir donner une bonne image de la famille Connors? C'est beau. Ah ben... s'entendent pas, mais bon, la pomme, elle tombe pas très loin du pommier, quoi. Babs. Et surtout, il tient à son équipe. Il tient à la réputation de son équipe. Et malheureusement, s'ils sont tous abrutis par la clope, ils gagneront plus beaucoup. Tu vois que ça a l'air d'aller. Ils font la fête. Ils ont plus tendance pour quelques-uns à boire un peu trop. Mais les soirs d'après-match, ça t'étonne pas trop. Mais pour ce qui est autre chose, t'as jamais eu de soucis avec tes gars? Donc du coup, je garde quand même un œil, même si j'ai quand même confiance en eux, mais je fais en sorte que tout se passe bien, et puis je profite de la fête aussi. Alors du coup, Babs, de ton côté, quel est ton comportement en général dans cette soirée? Alors Babs tire un peu beaucoup sur sa jupe hein, vers le bas, parce qu'elle a raccourci. Donc, elle a raccourci, effectivement. Pardon. Effectivement, elle a raccourci quand même, hein, malgré qu'elle a été recousue, elle a perdu quelques centimètres. Voilà, donc elle va souvent tirer de façon un petit peu, on va dire, maladroite sur sa jupe. Elle n'est pas très à l'aise, donc toujours convulsivement, elle remet cette mèche derrière son oreille. Quand elle croise des regards, elle fait des sourires aux gens. Elle a une bière dans la main qu'elle ne boira pas, hein. C'est juste pour l'attitude. Et elle ouvre sa main, elle fait des petits gestes de la main aux gens, voilà, quand on la regarde, quand elle sourit, quand elle reconnaît quelqu'un. Et bien évidemment, son radar cherche les gens populaires, Chris, mais aussi les enfants de ceux dont les parents travaillent à l'institut. Et d'ailleurs, pendant ce temps, elle va raconter à Tristan et Trevor aussi que ce qu'elle a appris par sa mère, c'est-à-dire que les gens qui ont disparu cette nuit travaillent tous à l'institut. Ok. Diana, comment te comportes-tu de manière générale dans cette soirée? Alors, j'ai un verre à la main, une bière, du coup. Je la bois très doucement parce que je sais que la dernière fois, ça a fini en Dirty Dancing avec Tristan, et du coup j'aimerais éviter que ça se reproduise devant la totalité des du lycée. Et je reste avec les cheerleaders, je rigole avec, et puis je jette des coups d'œil de temps en temps pour voir si Chris est arrivé, puisqu'il m'a promis qu'il allait me raconter ce qu'il a fait exactement dans ses toilettes, ce qu'il a pris comme substance potentielle. Ok, Chris est arrivé, hein. De toute façon, il est arrivé avec l'équipe de foot, donc il était même là avant toi, hein. Tu vas le trouver près du feu avec les autres, mais j'en viendrai à toi plus tard à ce sujet. Pour le moment, okay. On va voir Tristan, s'il a quelque chose en particulier, ou si tu restes en mode enquête avec Babs. Moi, je bois un peu de bière, mais un peu pas trop. J'ai pas besoin de trop d'alcool non plus pour me sentir bien et être un peu extraverti. Donc, je bois un peu de bière. Et du coup, je vois mon ami Trevor chanter et tout. Et je tape un peu du rythme sur ma cuisse. Et j'écoute quand même Babs parce que je reste là quand même avec l'idée d'enquêter sur cette île. Et ce qu'elle me dit par rapport à l'usine, en tout cas, fait tilt dans ma tête. Et je regarde Diana du coin de l'œil aussi. Je me dis, mais son père travaille à l'usine, non? Oui. Salut. Justement, les copains, vous parlez de quoi? Marcus Baker Street. Vous tu avez remarqué que Marcus s'est acheté des fringues toutes neuves. Il a même encore l'étiquette sur une des vestes qu'il porte. Donc il est à la dernière mode, mais avec des trucs qui ne vont pas du tout ensemble. C'est une catastrophe. Donc tu ajoutes à ça l'étiquette qui dépasse. Et petit détail important, vous allez remarquer que ses branches de lunettes, juste autour des oreilles, il les a enroulées dans du papier d'alu. Marcus, t'as pas pu t'en empêcher, l'aluminium, chouchou. C'est juste pour faire attention, mais personne verra. Écoute, si quelqu'un te pose la question, tu dis que c'est allemand en Europe, dans les boîtes de nuit allemandes, d'accord? Ah oui, bonne idée. Ouais, Marcus, t'es grave stylé, mec, tu veux une bière? Non, je suis allergique. Bah vas-y, personne n'est allergique à la bière. Dans ma famille, on est tous allergiques à la bière. Tu préfères un whisky, Marcus? Non, je suis allergique. Écoute, tu veux pas un soft, au pire, c'est pas grave. Hein. J'ai apporté mon eau. Et il va sortir, il a effectivement une gourde de camping. Ouais, bah bon, santé Marcus, alors, je trinque avec lui. Cul sec. Et au moment où tu trinques, je vais te demander un petit test de Brown, difficulté 6. Ok. Ouf. Est-ce que tu as des jetons? Absolument pas. Ceux que j'ai utilisés, je les ai donnés à Tristan. Enfin, ceux que j'avais, je les ai donnés à Tristan. Alors, ce qui va se passer là, c'est que Ted, tu peux intervenir si tu le souhaites, bien entendu, mais ça va dépendre du nombre de jetons que tu as. Nous avons une difficulté 6, il faudrait que tu aies 5 jetons. Alors, sachant que dans la mesure où je suis teen, j'ai plus 1 automatiquement en brown, donc je vais l'utiliser. Et, ah oui, il faut me le dire. Ça fait 2, donc oui, ça fait moins donc de. Il faudrait 4 jetons. Ça fait... Ted ? Est-ce que j'ai perdu tout le monde encore ? Non, t'entends. Alors, on a perdu Ted ? J'ai peut-être eu une absence de ma part, j'ai pas entendu, pardon. je dis là, Trevor, et il va lui arriver quelque chose. Toi, tu l'as vu venir, tu vois exactement ce qui se passe. Et il y a ton collègue, James, qui prépare son ballon de foot et qui va juste l'envoyer en direction de Trevor. Est-ce que j'ai le temps d'intercepter le geste? Est-ce que ça je suis dépend de assez, tes jetons. Assez proche de James. Si tu veux aider Trevor, il faudrait que tu aies 4 jetons. J'en ai 4. Est-ce que tu veux aider Trevor au point d'utiliser tes 4 jetons pour ça? Oui, parce que j'aime pas les bullies. Tu... J'ai aidé Trevor, ouais. Puis en fait, James, okay. Il m'avait déjà pas mal chauffé sur les paroles qu'il a eues plus tôt dans la journée, donc je ne vais certainement pas prendre le parti. La balle va partir, mais tu vas avoir le temps de t'interposer. Ce qui fait que bah, tu vas juste légèrement bousculer Trevor en rattrapant la balle. Donc Trevor, alors que tu lèves ton verre pour trinquer, tu en renverses un petit peu à ce moment-là. Rien de grave, hein, bien entendu. Et tu vois que Ted vient d'arrêter un ballon qui t'était grandement destiné. Je regarde qui l'a envoyé. Eh bah, tu vois tout de suite James qui est près d'un feu hein, avec les autres. Mais James, ça va pas? Tu te prends... Qu'est-ce qu'il y a pas chez toi? Oh, ça va, c'est pour déconner. Ouais, mec, Faut apprendre à viser. J'ai renversé ma bière. Ouais, t'inquiète pas, je sais bien viser, ouais. Ouais, merci. Merci, Ted. Je t'offre un coup à boire. Enfin, je sais pas, t'es sportif, peut-être tu bois pas. Si, c'est gentil, Trevor, mais attends. Puis je chope James par l'épaule, puis j'essaye un petit peu de l'éloigner. Je lui dis, James, je t'ai déjà repris une fois là-dessus. Je comprends pas l'acharnement là sur Trevor, il t'a rien fait. Donc maintenant, mettre les choses au clair. S'il y a encore un débordement avec quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, tu dégages de l'équipe. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 7. Oh non. Ah, c'est ça, toujours à faire ta star, toi. Hein. Et puis maintenant, il faut que tu défendes la veuve et l'orphelin. Il va juste te pousser et commencer à se barrer. Ah bah c'est ça, mais casse-toi, ouais. Et puis je retourne vers Trevor. Je dis, ça va, Trevor? Ouais, ça va, merci, mec. Merci quand même. Si t'emmerdes à nouveau, viens me voir. Ouais, mais t'inquiète, j'aurai me débrouiller la prochaine fois, là, tu vois. Bon, j'ai un peu bu, je suis pas forcément chaud, mais je me serai débrouillé, quoi. La prochaine fois, on se cognera peut-être. Ouais, mais je veux quand même être au courant parce que je veux pas de ça dans mon équipe. Donc, n'hésite pas à venir m'en parler et je réglerai ça avec toi et avec lui surtout. Ouais, ok, ça marche, je comprends. Ouais, go Wildcats, tout ça, ouais, ça marche. Mmh. En fait, faudrait qu'on se cale un petit moment à la boutique de disques, un de ces quatre. J'aurais peut-être une nouvelle commande de cassettes. Mais ouais, grave, mec, mais surtout, attends, on a reçu le dernier album des Smiths, je suis sûr que ça... vas-y, je mets un morceau sur une de tes cassettes, ça va faire tomber toutes les nanas, je t'assure. Je te fais confiance, hein, comme d'habitude. Hein. Tu sais mieux que moi, de toute façon. Bah ouais, cool, ok, je prépare ça, ouais, hésite pas à passer. Ok, je lui secoue gentiment les poches. Allez, passe une bonne soirée, Trevor. Puis je commence à aller de groupe en groupe. Je m'éloigne un petit peu de l'équipe et je vais voir un peu. Je vais un peu saluer tout le monde. Ça marche. Pendant que tu as cette petite discussion avec Trevor, je vais venir avec Diana, qui a sans doute été voir Chris. Oui. En tout cas, je me suis rapproché, mais je le laisse faire ouais. Il va te voir, il va sourire tout de suite dès qu'il te voit et il va te tendre un verre. Puis il voit que t'en as déjà un. Il va le boire, cul sec. Il le balance dans le feu. Et il va se lever, il te fait un signe de tête pour aller plus loin. Il y a comme un petit bois en fait sur cet îlot. Et donc il te fait signe, il commence à aller par là. Babs, bien sûr que tu vois tout ça arriver. Mais oui, hein. Alors je le suis. Babs, est-ce que tu les suis ou est-ce que tu restes où tu te trouves? Babs? Ouais, je les suis. Ok. Discret. Ça marche. Donc Tristan, tu vois ça. Tu vois que Babs s'éloigne, en tout cas. Et donc, tu es un peu entre les deux. Toi, tu as l'altercation avec Trevor qui s'est passée et tu vois du coin de l'œil Babs qui s'éloigne. Qu'est-ce que tu fais? J'ai quand même pour principe de jamais abandonner Babs. Donc... Je sais que Trevor pourra se débrouiller, je sais qu'il n'est pas tout seul non plus. Donc je vais aller vers Babs. Ok, vous continuez donc tous les deux, alors que Chris s'enfonce un petit peu dans les bois et Diana le suit. Est-ce que tu lui dis quelque chose, Diana, pendant ce temps? Non, je le suis juste. Je juge que c'est à lui de s'expliquer... Il y a mon chien aussi hein, qui suit. Bien entendu. Il va s'arrêter. Il s'enfonce pas spécialement trop dans les bois. Hein. C'était vraiment pour s'éloigner des gens qui se trouvaient là. Bon, ok. Alors tu veux savoir quoi exactement? Je croise les bras devant lui pour avoir une attitude un peu bien fermée. Je dis écoute, je veux quand même savoir ce que t'as pris tout à l'heure, parce que je t'ai vu partir, il y avait quelque chose dans ta poche et t'es revenu, t'avais l'air vachement joyeux quand même. Hein. Ouais. Bon, écoute... Qu'est-ce que t'as pris, Chris? Tu sais très bien que Ted, il déteste ça dans l'équipe. Non, mais c'est... Ah, oh, putain. Allez, puisque... Vas-y, si c'est toi, ok, ça va. Et il va sortir de sa poche. Et il y a un petit flacon marron transparent. Et à l'intérieur, il y a des petites pilules. Toutes blanches. C'est mon père qui me les file. Il va te l'envoyer, la boîte. Tu vois qu'elle a rien de particulier. C'est expérimental, c'est un traitement. Un traitement pour quoi ? J'ai un truc au cerveau, un truc neurologique ou je sais pas quoi. J'ai ça depuis que je suis tout petit. Ton traitement, il est fait ouf. Y a pas d'étiquette, y a rien. Enfin, il est fait à l'institut. Mais t'es sûr au moins qu'il y a rien de dangereux là-dedans quand même ? Je le prends depuis toujours, donc s'il y avait un truc de dangereux, je le saurais, non ? Ben, je sais pas, mais en plus, si ton père il est pas là, il t'en reste pas beaucoup là, hein, t'es caché. Écoute, j'en ai encore un peu, et puis je pourrais toujours m'adresser à l'institut, mais... Tu vois qu'il est gêné, il sait pas comment dire ça. Je crois bien qu'il les vole, en fait, là-bas. Je crois qu'il a pas le droit de les sortir. Et quoi ? Et en plus, mais tu prends un traitement volé, mais c'est n'importe quoi, Chris ! Si t'as un problème, il faut aller chez le médecin. Tu peux pas prendre un traitement sorti d'un institut dont tu sais rien et qui est volé, mais tu te rends pas compte. Oui, je sais, mais... Enfin, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Et il se passe quoi si tu les prends pas ? Je sais pas, on m'a dit que je pouvais faire des crises. Des crises de quoi ? Juste des crises, je sais pas. T'as jamais essayé de pas les prendre ? Non. Peut-être que tu devrais. Tu crois ? Fais-moi un test de charme. Difficulté 5. Et il va te reprendre... Ouais. La boîte, le petit flacon. Tu sais, il attrape ta main avec ses deux mains. Donc, il passe une main en dessous, une main dessus, il prend le flacon. Et il le jette dans les bois. Mais il garde ton autre main dans la sienne. Alors, amicalement, je lui serre un petit peu la main et je lui dis « Je suis vraiment pas sûr qu'il fallait les jeter quand même. » Mais en tout cas, tu peux compter sur moi, ok ? Je vais... Enfin, on va faire en sorte... Surtout, tu m'appelles s'il se passe quoi que ce soit. Parce que... Et t'en as encore chez toi ou c'était ton dernier flacon ? Je dois en avoir encore un là-bas. Mais je vais le jeter, je te promets. Non, le jette pas. Tu le gardes pour l'instant, mais t'en prends pas et tu vois ce que ça fait. Ouais, merci. Ça va bien se passer, ok. Et si jamais il y a quoi que ce soit, tu m'appelles et... Enfin, t'as mon numéro, non ? Le numéro de chez moi. Ouais, je l'ai, ouais. T'inquiète. Ted me l'a donné. Et on se voit demain matin au lycée. Et je lui lâche la main. Et au moment où tu fais ça, il va se passer quelque chose. Alors que... Babs et Tristan, vous êtes peut-être couchés dans les fourrés. Déjà, vous allez voir un petit flacon de cachet arriver vers vous de votre côté. Est-ce que vous le ramassez ? D'une violence, oui. Of course. Et au moment où Diana lâche la main de Chris, le sol se met à trembler. Vous entendez les gens de la fête qui disent « Waouh, waouh, waouh !» Et vraiment, c'est de plus en plus fort. Comme un tremblement de terre ? Comme un tremblement de terre, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Tous, je vais vous demander un par un, à refaire le tour du Roll20, Trevor. Au début... Au début, je me demande ce qui se passe, et puis si je vois que les gens commencent à paniquer, surtout si je vois que ça s'arrête pas, j'essaie de trouver Tristium et Babs, absolument. Tu ne les vois pas pour l'instant. Tu vois, il y a beaucoup de monde là, les gens commencent à paniquer un petit peu. Ça tremble de plus en plus, mais tu ne les vois pas. Tristium, Babs, disparu. Le Christian, il est dans quel état là ? Allez, on va y venir. Je passe à Ted d'abord. Ceux qui sont restés vraiment au cœur de la fête, où ça panique bien. Là. Je crie à l'attention de tout le monde, à la berge, tous à la berge, et je cherche du regard Meredith. Voir si elle est à proximité, ou ce qu'elle fait, où elle va. Tu vas l'apercevoir, elle est avec des gens de son âge, ils étaient sur un côté vers un feu, et pareil, elle est en train de te chercher du regard. Meredith, viens ici, retourne vers les barques, vite! Tout le monde commence à se précipiter, et je vais te demander un jet de Brown, s'il te plaît, difficulté 7. Les gens commencent à se bousculer, à se pousser dans tous les sens. C'est pas possible. J'imagine que tu n'as pas assez de jetons. Ah bah non, j'en ai plus. Tu vas perdre de vue ta petite sœur. Tu vas te faire bousculer, elle aussi, mais dans des sens différents, et tu vas vraiment la perdre de vue dans cette panique. Babs, tu as ramassé cette boîte de pilules. Oui. Et ça tremble fort et tu entends les cris derrière. Oui. Je fixe Chris, c'est que ça qui m'intéresse de toute façon. Est-ce qu'il a les yeux fixes ? Est-ce qu'il réagit ? Est-ce que... Voilà. Ok. Je vais demander d'abord à Diana, du coup, ce que elle fait. Parce qu'en face d'elle, Chris, lui, il a pas l'air de bouger. Tout tremble. Mais pas Chris. Et tu le vois, il a l'air d'entendre le bruit qu'il y a derrière. Il tourne la tête vers l'endroit où la soirée continue. Il tourne la tête vers toi et il a vraiment un air d'incompréhension totale. Donc c'est ce que tu vois à Babs aussi, mais Diana va réagir en première. Pas de souci. Je panique un petit peu. Je fais, Chris, il faut qu'on y aille. Allez, viens. Il faut qu'on retourne aux barques tout de suite. Il ouvre la bouche et tu vois qu'il te parle. Mais il n'y a aucun son qui en sort. Babs, tu fais quelque chose ? Ouais, je sors des fourrés, je me précipite sur lui et je commence à le secouer en disant « Réveille-toi !» Tristian, tu fais quoi ? Eh bien moi, je vais à la suite. Tristian, ouais. Tristian, oui. Attention, maître du jeu. Hein. Tristian. Tout à fait. Ça vaut un bonus sur la prochaine. Absolument. Non. Moi je sors des fourrés. Mon plan c'était de sortir des fourrés parce que je voulais pas rester sous les arbres en cas de séisme. Donc je suis Babs et je vais essayer de mettre Chris au sol. Ok. Alors que Babs arrive pour secouer, bah toi Diana t'es un peu en panique et tu vois les deux qui débarquent. Tu as Babs qui essaye d'attraper Tristian qui essaye de le plaquer. Vous allez passer à travers lui. Et c'est étrange, c'est pas comme un fantôme, parce que vraiment, vous voyez Chris comme s'il était mou, qui s'écroule sur lui-même, qui se replie sur vous. Babs, t'as les mains qui passent à travers. Bon, je pète un câble. Tristian, lui, il plonge au sol, et en fait, Chris se plie en deux sur lui. Et toi, Diana, tu vois tout ça, et pourtant, tu vois toujours sa tête qui est penchée sur le côté, et il n'a pas l'air d'avoir le moindre problème avec ça, comme s'il ne comprenait toujours pas la situation, et sa bouche continue à te parler, il essaye de t'appeler. Je commence à paniquer, sérieusement. J'essaye de lui attraper... Ah non, il s'est plié en deux, j'allais dire les épaules. Il va se passer la même chose, tu l'attrapes, et en fait... C'est comme si tu avais une patte, ça n'a pas de consistance, mais tu tires ses épaules vers toi. Et ça reste en place, quand tu lâches, ça reste en place. Mais quelle horreur, mais Chris, mais qu'est-ce qui se passe ? Les autres à la soirée alors que tout le monde est en panique, se pousse, crie. Il va se passer des choses un petit peu similaires. Mais c'est pas les gens en premier, même si vous avez l'impression du coin de l'œil d'en voir certains qui se passent à travers les uns des autres. Comme s'il y avait un décalage. Trevor, tu vas même voir Marcus qui s'accroche à l'arrière de ses lunettes avec le papier d'alu. Okay. Et tu vas le voir en plusieurs fois. Comme s'il était en surimpression de lui-même, mais avec un petit décalage à chaque fois, ce qui te fait une impression très étrange. Ah bah, je dessoule immédiatement, et puis j'essaie de voir s'il a besoin d'aide ou un truc du genre, si je me suis précipité sur lui. Tu ne bouges pas de ta place. Tes jambes bougent. Ton corps a l'air de bouger. Tu as l'impression de bouger, tu le sens, mais tu n'avances pas. Ted, toi aussi, tu vois la même chose, tu vois tout ça. Je panique et j'essaye d'appeler Meredith. Je peux plus vraiment le RP maintenant parce que mon mec dort, mais... Je comprends bien. J'essaye d'appeler Meredith encore plus fort et de bousculer les autres pour aller dans la direction où je l'ai vu la dernière fois. C'est comme si tu étais seul. Les gens que tu bouscules, tu leur passes à travers. Et au moment où tu cries Meredith, ton cri va se réverbérer. Tu entends vraiment le son te revenir. Et en même temps, tu as l'impression qu'à chaque fois que ce son touche quelqu'un, la personne explose en plein de petites bulles. Je vois des gens exploser. Oui. Au moment où tu cries. Et tu le sais, c'est quand t'as crié. Paf. J'ai la... Bah, la peur qui me saisit au ventre et... J'essaye de ne plus crier et de vraiment de progresser entre les personnes et du coup d'en toucher le moins possible d'un coup. De vraiment... même si c'est compliqué... J'essaye d'avancer en faisant attention à avoir le moins de contact possible. Tu vas entendre les cris de Babs, de Tristan, de Diana. Par-dessus les cris de tout le monde. Trevor, toi aussi, tu les entends. Je bifurque alors. Je vais dans la direction des cris. La même chose pour moi. Ça va être plus compliqué pour toi, Trevor, parce que t'as toujours l'impression de faire du surplace. Et par moments, par à-coup, c'est comme si la scène était tirée vers toi. D'un coup, tu vois ces arbres qui s'approchent. Puis ça s'arrête et ça se rapproche d'un seul coup. Et quand vous allez arriver aux arbres, tous les deux, ils vont se plier comme si la cime des arbres se pliait vers vous. Et ils vont couler. De la même façon que Chris a eu l'air de couler. Vous vous retrouvez tous les cinq autour d'un Chris bizarrement placé, avec tous ces arbres qui vous tombent dessus. Et vous voyez la lumière au-dessus de vos têtes. Il y a des lumières vertes, bleues, comme peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler quand vous étiez en cours, comme des aurores boréales. Sauf que tous ces traits de lumière, c'est comme s'ils chutaient sur le sol. Et ils vont vous tomber dessus. Et juste couler. Peut-être certains d'entre vous vont lever une main et voir ce filet de lumière couler entre ses doigts. Et tout se coupe. Vous allez vous réveiller, chacun dans votre lit. Lancez-moi un des six, tous. Christian, c'est toi qui as fait le plus haut score. Quand tu te réveilles, quelle est ta première pensée, ta première parole ? Je me réveille en sursaut et je mets la main à côté de moi pour voir s'il y a Babs. Enfin, par réflexe, parce que dans ma tête, je l'ai quitté récemment sur une île en plein séisme et tout, qui coulait. Et quelle est ta première pensée ? C'est... Pour moi, tout était réel. Ma première pensée, c'est où est Babs ? Les autres ? Vous allez vous réveiller aussi en sursaut, j'imagine, dans vos lits respectifs. Et vous allez tous entendre dans votre tête la voix de Tristan qui dit « Où est passé Babs ?» Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ben... Eh bah écoutez, ça va être le moment où on va... Elle est en train de pleurer, Chris. Il y a Babs qui va être... Chris ! Elle est à fond, Babs. Si on entend les pensées de Tristan, on va pas s'ennuyer, à mon avis. Je vous rassure. Alors, tu vas voir que c'est un clown, donc c'est-à-dire qu'il dit beaucoup de bêtises, mais il en pense peut-être pas beaucoup aussi, attention. Voilà, et à partir de maintenant, de toute façon, vous allez entendre les pensées de tout le monde, les uns et les autres. Parce que... on va voir Babs faire des fantasmes avec Chris et son t-shirt. Vous allez entendre des hurlements Chris, déjà, pour commencer. Non, elle hurle, c'est un son qui... c'est ce que je mettais dans le chat, c'est-à-dire que c'est un son un peu primal qui part des entrailles et qui sort et qui s'amplifie et il n'y a pas de parole, quoi, en fait. Elle hurle d'horreur, quoi. Ce qui va accentuer le mal de crâne de tout le monde. Je pense, oui. Bah, ça promet, en tout cas. Ouais. Super. Ouais, c'est cool, c'est vachement bien. Ah ouais. Génial. Hein. Trop cool. Très très cool, effectivement. J'avais peur que vous n'arriviez pas à la soirée assez vite. Je voulais quand même finir là-dessus. C'est super, merci beaucoup. Ah ouais, vraiment. Merci à tout le monde. C'est vraiment, je pense qu'on va se régaler. Hein. Ouais, c'est très chouette. Ouais. On va bien s'amuser, c'est clair. C'était une très très bonne session. Comme d'habitude, je vais être le premier à aller dormir. Je suis désolé. Bonne nuit, dors bien et courage demain. Ça, tu sais, bonne nuit tout le monde. Bisous et merci encore. C'était très très drôle, comme d'habitude avec moi, bien sûr. Ouais, c'était excellent. À dans 15 jours. Madame Pataki te mettra des taquettes. À dans 15 jours. Ah, mais vivement la suite. Ah, mais oui. Bon, j'espère que ça a été qu'on va regretter. Du son. Pardon, on va regretter de ne pas jouer toutes les semaines. Hein. Ouais. Là, il y a une part de moi qui est en train de se dire, putain, c'est dans 2 semaines la prochaine. Ah, cette pauvre Babs, elle me fait trop de la peine. C'est le but, hein. Alors, elle est géniale. C'était vraiment pas prévu, hein, mais le score de charme de Diana sur ce pauvre Chris qui était en génial. Détresse. Et attends, c'était génial. J'avais pas je le choix. Sortir le 27. Du coup, ça aurait pu ne pas être Chris. Oui, non, mais c'était formidable en termes d'intrigue. C'était bien. Oh, ouais. Ouais, franchement, Baron, super. Hein. Super. Oui. Super dans le rythme, super dans les propositions, super dans tout. Hein. Nickel. Ouais, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment cool. Dans le RP des PNJ est qualitatif. C'est clair. Parfait. Grand plaisir de retrouver notre amie aux conserves de pêche, hein. Madame Pataki. Grand bonheur. Alors, ne soyez pas influencés par les dernières apparitions. Je recycle le casting pour le clin d'œil, mais si Madame, on est d'accord. Madame Pataki, elle aura quand même toujours le même caractère et elle parlera de ses ex-maris, bien entendu. Mais comme j'avais Dinalt dans le chat, qui lui a déjà croisé ce cher Marcus, ce n'est pas le même personnage. Donc, ce n'est pas un serial killer cette fois. Enfin, pas encore, en tout cas. D'accord, tu sais qui m'a fait penser son origine story, hein. Il m'a fait penser à Marcus du Summer Camp. C'était lequel, ça? Attends. Tu sais, celui qui nous faisait jouer à Donjons et Dragons quand on était au Summer Camp. Ah oui, quand, sur Cthulhu. Oui. Il est très très stressant, ce Marcus, pour Diana. J'imagine bien. Mais il est fait pour ça. La première fois que je l'ai sorti, il était tout aussi gênant. Il est hyper gênant. C'est tellement malaisant, ouais, c'est clair. Le coup de la frite, quand même. Oh. Je remarque que l'esprit d'équipe de Ted a été au top ce soir. Il a évité la bagarre. Super, vraiment. Ouais, c'était très, très cool. C'est, voilà, les répétitions, avec l'équipe, les tactiques et tout, protéger la team, non, parfait, quoi. Ah bah, s'il pouvait être encore un peu plus doué au lancer de dés, ça serait encore mieux, mais... On a noté que Brains, c'était pas son fort. Non. Non, mais Brand non plus. Hein. Pourtant, il a un D20, hein, mais il a pas été très brillant ce soir. Faut toujours un personnage boulet dans une campagne. J'ai l'impression que Connor Ted est le boulet de cette campagne. Ça ne veut rien dire. Il peut se relever. Moi, je pense pas. Mais il manque pas de bonne volonté. Hein. Il va briller en situation de stress, on en est sûr. C'est ça. T'as quand même empêché un ballon d'atteindre Trevor en pleine tête. Exactement. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai charmé une secrétaire. Avec un gros chantage que j'ai pas honoré. C'est vrai. Elle se pardonnera car Ted est craquant. Ah, je m'attendais à une genre, la pauvre secrétaire méga victime du maire qui est genre un chef atroce, mais elle était aussi antipathique que lui. Ouais, elle était odieuse. Oh, tout elle suite, était odieuse. Vous jugez sans les connaître, hein, c'est moche. On est des ados. Hein. C'est vrai. Et ton papa a essayé de faire des efforts. Très dur le RP avec le père parce qu'il me fait trop de la peine. C'était le but. Et en même temps. En même temps, Diana, elle le déteste, donc je peux pas. C'était la foire aux darons ce soir. Oh, oui. Ah ouais. Ah ouais. On les a pas épargnés. Y'a que le mien qui est gentil et tout doux, quoi. Ouais, mais t'as un petit frère, toi, à la place. Ah, oh, finesse, ouais. Mais ton frère, il est horrible. Et c'était dans le background. Hein. C'est une teigne, ouais. T'as écrit qu'il teigne. Était horrible, hein, j'en ai mis une couche. Hein. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Comment je m'y attendais quand même qu'au premier scénario, Chris allait en prendre plein la gueule direct. Ah, le pauvre. Mais on sait pas. Hein. Vous savez pas s'il a eu quelque chose ou pas. Hein. Ah, mais je le connais, ce « on sait pas » de MJ. Hein. Oui. On sait. Bon, je vais vous laisser, je vais aller dormir aussi. C'était bien cool, merci à tout le monde. Et puis, à toi, on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines, bisous, bonne nuit. Tout pareil pour moi aussi, du coup. Ouais. Bonne nuit. Je vais y aller aussi. Bonne nuit. Et ciao, puis ciao. Dans 2 semaines. Eh bien, à dans 2 semaines, tout le monde. Bonne nuit. Et au revoir le stream. Bye bye. Ah bah. Bye bye le stream. Au revoir le stream. Allez, bonne nuit tout le monde. Ciao. C'était très cool de jouer avec vous tous. Ah oui, oui, un vrai bonheur. Bonne nuit. À dans 2 semaines, tout le monde. Ouais, à dans 2 semaines. Et encore bravo à toi. Hein. Super partie. On voit que t'avais énormément travaillé. Hein. Je pense que t'avais bien travaillé.